c'est la passion des joujoux. Noël, c'est la passion des cadeaux. Bonjour tout le monde et bienvenue au niveau du deuxième débat comics. C'est le deuxième et c'est déjà le dernier de l'année 2019. Alors pour cette émission, je vais être accompagné à ma gauche par Nico. Salut tout le monde. À la gauche de Nico, j'ai Nebu qui revient. Et ben merci de la nouvelle invitation et bonjour à tous. Et à la gauche de Nebu et à ma droite, j'ai Adrien. Bonjour tout le monde. Alors, pour cette émission, on va faire quelque chose d'assez court, parce que bon, Noël approche, on va pas se prendre la tête, on a décidé d'innover sur le format. On va juste faire un long résumé du TGS. On va revenir sur sur la saga Star Wars, parce que l'épisode 9 va pas tarder à sortir au moment où vous allez écouter cette vidéo. Enfin, cette vidéo, excusez-moi, c'est encore mes anciens réflexes de YouTubeur, ce podcast. Et on va terminer par les conseils d'achat. Allez, bien sûr, on va commencer. Alors, comme j'ai annoncé, nous allons commencer par un long résumé du TGS, parce qu'il y a une quinzaine de jours, c'était le Toulouse Game Show au Parc des Expos à Toulouse. C'était le dernier Toulouse Game Show, normalement, au Parc des Expos. Et on va revenir sur cet événement incroyable, où on a tous participé, enfin tous presque. Nico était absent. Bah oui. Il est même absent là maintenant, en fait. Non, mais je sais pas ce que tu voulais jouer de plus. Bah, je sais pas, je voulais juste dire que t'étais pas là, en fait. Donc, T'inquiète, Nico, on a pris des notes pour toi. Bah, alors, vu qu'il y en a un qui a énormément bossé le sujet, je vais laisser la parole à peut-être Adrien, peut-être pour commencer. Si et puis veux. Après, on parlera un peu plus organisation avec Nebu, voir comment ça s'est passé, et peut-être terminer par moi. Ouais. Allez, bah vas-y, commence. Bah franchement, j'ai adoré ce TGS. Franchement, l'orga était trop bien. Tu dis pas ça parce que je suis là. Non. non, franchement, sur organisation des halls et des stands surtout, il y avait vachement d'espace entre les stands. On pouvait facilement circuler. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Que ça soit samedi ou le dimanche. À toute heure, on pouvait circuler. On voyait qu'il y avait du monde, il y avait plus ou moins de monde, mais on pouvait s'arrêter au stand, franchement, facilement. C'était pour ça déjà un beau bravo, parce que c'est vrai que ça, parfois, sur certaines éditions, c'est ce qu'on avait. Les dernières de Diagora. C'était vraiment le point malus où, en gros, il y avait trop de monde, ça bouchait de partout. Non, franchement, circulation au top. Moi, et du coup, j'ai pu voir pas mal de stands de personnes assez indépendantes, que ce soit côté BD, manga, et même des dessinatrices, des créateurs. C'était vraiment super sympa. Oui, c'est vrai. Alors, je te coupe vite fait. On a rencontré un mangaka toulousain qui a sorti son manga en auto-édition. Ah, Louis Nico. Nico. Ouais, Nico. Et super rencontre. Super rencontre. Fait. Et bah, vous allez en savoir un peu plus, parce qu'il sera invité pour la deuxième émission de janvier. Et ouais, en plus. Coup, petit spoil, ça sera notre invité, donc hâte de découvrir son univers, en tout cas avec lui. Alors, juste par curiosité, t'as lu le manga ou pas? Pas encore. Pas encore. T'inquiète pas, ça va, j'ai encore un peu plus d'un mois, ça va le faire. T'inquiète. D'accord. Okay. Non, après, en continuant au niveau manga, j'ai pu revoir aussi Romain Hué, qui est de la Doshinchin, qui est en train d'éditer Yggdrasil Sentai en manga. Donc il avait un bon stand aussi, donc on a pu discuter, belle dédicace aussi. Et ensuite un artiste, j'en ai deux qui m'ont bien ressorti, en tout cas pour moi, c'est Picanoa, qui fait des dessins de ouf, de malade. Elle a pu en plus animer pas mal de conférences en direct. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est chapeau. Franchement, je sais pas si c'est une idée de leur gars ou pas, mais en fait, on a commencé à le faire à Lyon. À Lyon, où elle était. Enfin, ça fait déjà quelques temps que Picanoa elle est sur nos conventions. Elle en fait d'autres aussi. Hein. Mais du coup, à Lyon, on avait mis en place ça où, pendant les conférences. En fait, elle fait du dessin, qui est diffusé en direct sur l'écran de la salle. et c'est plutôt cool. Et ouais, donc là, on a voulu pousser le truc en le rendant encore plus propre et plus accessible. Ah ouais. Franchement, c'était, et ça, c'était vraiment cool. Même le rendu, justement, visuel pendant les conférences, c'était trop bien, quoi. On voyait vraiment bien dessiné et tout. C'était trop bien. En plus, elle avait du coup son stand qui était juste après la salle de conférence. Et j'ai pu discuter un peu avec elle. Et franchement, trop beau. C'était une bonne rencontre. Et après, c'est aussi Nogi-san. Qu'on a vu ensemble. Elle n'était pas présente au TGS, mais il y avait son assistant, son ami. Et alors, c'est vrai que moi, je l'ai commencé à suivre sur Instagram. Franchement. Et elle fait du dessin à l'encre de Chine. À l'encre de Chine. À l'origine. Et après, elle travaille sur les couleurs surtout, mais après, elle fait tout à l'encre de Chine. Et c'est pareil, c'est et les valeurs super du, sympa. Les valeurs du Bushido. Ouais, bah, j'en ai, du coup, à ton avis. J'ai pris honneur, bien sûr. T'as pris honneur. Et moi, du coup, quoi? À ton avis, j'ai pris quoi d'après toi? D'après toi, qu'est-ce que j'ai pu prendre? Oh là là. T'as pas de valeur, t'as rien pris. Si, j'ai pris parfaitement. Alors, ça, c'est pour les rôlistes qui nous entendent. J'ai pris sincérité. Parce que je te sens qu'en tant que scorpion dans l'âme, cette valeur est importante. Oh ouais, d'accord. Sincérité, Jeff. Et j'ai pris quoi? J'ai pris du Kimetsu no Yaiba aussi. J'ai pris Toshiro. Et il est trop bon. Et j'ai pris un troisième, du coup, aussi. J'ai pris. Ah oui, un renard qui se reflète sur la lune. C'était pas mal, c'était bien. Donc voilà un peu les quatre artistes qui sont ressortis. Ah, heureusement que vous êtes là, les gars, parce que moi j'ai rien vu du tout. J'y étais, mais j'ai rien vu. Rien de rien. Ouais, moi, t'avais un gros taf aussi de ton côté. Ça, c'était le truc, voilà, tu vois. Quand tu fais partie de l'orga, tu vois pas le salon. Et c'est compliqué. Donc, pour ma part, c'est les quatre gros artistes qui me sont ressortis. Et donc, dont trois que je connaissais pas, et belle surprise, belle rencontre. Donc voilà, pour ma part, c'était un très très bon salon, franchement, régalé. Bon, et toi, enfin, toi début, et au niveau de l'organisation, comment est ressorti le TGS? Ben écoute, effectivement, comme tu l'as dit, c'était une bonne édition, à la fois en termes de fréquentation, mais aussi en termes d'animation. Et de disposition des halls, c'est vrai que c'était différent par rapport aux années précédentes, ne serait-ce qu'avoir le hall 7 pour mettre la scène, faire rentrer les gens et tout ça. Franchement, ça, c'est rien cool. T'avais un espace extérieur du coup entre le hall 7 et le hall 6 qui permettait de mettre quelques food trucks et tout ça, mais il y avait aussi la restauration un peu partout dans le salon, notamment dans le hall 1, l'espace Japon. Il y avait un resto qui faisait une spécialité japonaise, mais je ne sais plus laquelle, et ils se sont fait déchirer. Des takoyaki. Je ne suis pas sûr, non, je crois pas. Mais ils se sont fait déchirer, et il y avait blindé le monde, et ça nous a obligés, nous, le lendemain, à créer une file d'attente exprès, rien que pour eux, parce que il y avait tout le temps du monde à ce truc-là. Donc ça, c'était plutôt cool. Les retours visiteurs, moi je fréquente pas trop les réseaux sociaux, mais de ce qu'on m'a dit, ils étaient plutôt positifs. Dans tous les cas, de ce qui me concerne à moi, les invités, eux, étaient vraiment super contents de l'accueil. Tu fais bien de parler des retours. Alors, j'ai posé la question sur Instagram dernièrement sur le fait que comment avez-vous trouvé le TGS? Bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses, j'en ai eu que deux. Oui, c'est pas beaucoup. Très gros échantillon représentatif. Voilà. Mais tu vas voir que c'est du 50-50 dans les deux. Il y en a une qui n'a pas plus apprécié. Elle a trouvé que c'était pas forcément le meilleur des salons. Pourquoi, je ne sais pas, parce que elle a pas plus développé que ça. Et le deuxième a un peu plus développé. Elle a trouvé que c'était un bon salon, mais point de vue comique, c'était un peu pauvre. Et comics, voilà, on en avait déjà parlé, je crois, sur le premier podcast, mais c'est vrai que il faut faire venir les gens, c'est pas forcément simple. Encore qu'il y avait il y avait des belles expos justement. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur le DC Villain. Franchement, c'était une belle expo. Ouais, ça c'était justement Hero en stock qui s'en occupe. Et ils ont vraiment fait le taf, et ils avaient aussi De l'autre côté, il y avait l'exposition des BZN. Et pareil, ouais. Ils, c'était eux aussi, ouais, qui... c'était aussi. D'accord. Et là-dessus, ils ont géré. Ouais, ouais, l'expo des BZ, là, avec les figurines. Les Durama. Les Durama, ouais. Mais en plus, il y avait le gars qui était là qui les customisait, les figurines, en fait. Il faisait des socles et tout, qui retravaillait complètement la figurine. C'était vraiment sympa. De belles expos. Ouais, là-dessus, franchement, on est content parce qu'il y a eu quand même pas mal d'animations, pas mal d'expos, de présentations. Les conférences, bon, ben, c'est toujours pareil. Il y a toujours de la demande, donc tu en fais. Et ma foi, c'était relativement cool. Celle de DBZ avec les doubleurs et tout ça ont bien marché. Les conférences YouTubeurs, comme d'habitude, ça fait carton plein. Il y a un pote à nous, Davy Mourier, qui fait les Bad News, qui a fait un épisode spécial Noël, qu'il a tourné directement en direct de la conférence du TGS, et ça c'est vraiment stylé. Ah, cool, ouais. Donc non, tout ça font que franchement, tous les invités étaient vraiment super contents de l'accueil, super contents de l'accueil du public aussi, puisque c'est important, et tous ils disent que le public toulousain, il est vraiment excellent. Après, c'est vrai que moi, au niveau du TGS, j'y suis allé que le samedi, hein, parce que je pouvais pas me déplacer sur les deux jours. Et honnêtement, bon, on est arrivé la première heure avec Adrien, et c'est vrai qu'on a pu faire le tour, il n'y avait pas beaucoup de monde. Sur l'espace qu'il y avait entre les stands, c'était génial. Et pareil, j'ai trouvé qu'il y avait, alors, peut-être parce que je vis, que maintenant je cherche d'autres choses dans les conventions, mais je trouve qu'il y avait beaucoup d'animations gratuites et accessibles au niveau des gens. C'est moins du venez, achetez des figurines, repartez. Quoi. Il y a vraiment l'Enclave qui avait fait, l'Enclave qui est le club de Savoie Laser toulousain, a fait pas mal d'initiations gratuites et autres. Ça, c'était vraiment très sympathique. Ça, c'était cool. Ouais. D'ailleurs, on va également les avoir interviewés en mai pour la journée spéciale Star Wars, mais ça, on y reviendra. Plus tard dans l'année, normalement c'est prévu de les recevoir. Mais ouais, mais c'est cool du coup que ça s'est remarqué, parce que c'est vrai que c'était vraiment une volonté. Moi j'ai presque. Avoir justement de l'animation, de la plus-value que juste des mecs qui sont sur leur stand et qui te disent bonjour, hein, tu vois. Ouais, on voulait plus de trucs comme ça. Quoi. Ouais, et là-dessus c'est totalement réussi, parce que la popcorn, je l'ai fait rapidement en une demi-journée, ça m'avait duré. J'avais pas vu ce genre de choses. Comme toi, on était allé ensemble. Moi, j'avais pas vu ce genre de ressenti. J'avais presque l'impression de retrouver dans un petit Angoulême où le fait qu'il y a pas mal d'animations gratuites où on peut voir les gens, prendre le temps de discuter, les artistes et compagnie. Au niveau des comics, bon, il y avait pas beaucoup de monde, certes, mais bon, par contre, il y avait comics très accessible comme d'habitude, où elle a fait un travail fantastique. Une bonne conférence d'ailleurs du commis, bien aimé aussi. J'y suis allé le dimanche, c'était bien sympa sur l'univers Batman. Cool. Et juste à côté, après, il y avait quand même une dessinatrice. Lucky Star, voilà, j'avais eu peur de super sympa, super accessible. Le prix pour ses dessins, pour ses sketchs, était très accessible. Il me semble que ça m'avait coûté 40 euros pour un sketch crayonné non colorisé, mais elle a passé du temps dessus. Je crois qu'elle y a travaillé 2-3 heures quand même. Ah oui. Donc très très accessible, très très intéressant. Les expos DC Villains, Dragon Ball. On se répète un peu là, on radote, mais c'était génial. Ah bah oui, hein, vous, Fortnite, c'est pas votre truc, hein, mais il y avait une scène Fortnite qui a super bien marché. Ok, c'est peut-être Passé, mais si, le coin gaming était ouf. Ouais, ouais, c'est la scène de monstre qu'ils ont fait pour le. C'est Omen. Oh, mais c'était. Non, mais franchement, en plus, ils ont proposé plusieurs jeux. La scène principale, il y avait du LOL, il y avait du Fortnite, il y avait du Overwatch aussi. Non, franchement, super. Franchement, tu vois, enfin, la scène est quand je suis arrivé. On est entre nous, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ça fait bien de chier sur Fortnite parce que c'est des gamins et tout ça. Mais déjà, demain, le jeu est quand même excellent, faut lui reconnaître ça. Enfin, je sais pas si vous y avez joué, mais moi j'ai pas mal joué et moi, c'est quand même un bon joué, jeu. La communauté, elle est ce qu'elle est, mais quand après, au-delà de ça, tu fais un salon, tu ne peux pas te priver de ce genre d'animation, puisque c'est quand même ça que les gens veulent. Tu vois. Après, excuse-moi de te couper les buts, mais quel que soit le jeu, qu'on soit fan ou pas, je ne suis pas fan de LOL, je ne suis pas fan de Fortnite, mais quand tu regardes du e-sport à la télé, parce qu'il y en a de plus en plus des chaînes de e-sport ou des conneries comme ça, quand tu vois des tournois où il y a du Fortnite ou autre, c'est quand même aussi passionnant que de regarder du sport à la télé et quel que soit carrément. Le sport, envoyer, enfin, entre guillemets. Je pense qu'on entre guillemets, faire carrément un podcast là-dessus. Quoi, voilà, parce que, entre guillemets, envoyer des athlètes, hein, vraiment, entre guillemets. Entre guillemets, ça s'appelle de l'e-sport, c'est du sport, c'est des athlètes, il y a de l'entraînement. Oui, non. Tu es genre, tu es un geek, mais tu craches sur ces personnes. Je crache pas dessus parce qu'au contraire, tu vois, j'aime beaucoup regarder le e-sport en ce qui concerne la course automobile parce que déjà je suis fan de course auto et puis oui je regarde il n'y a plus de saison de Formule 1 d'accord je regarde du e-sport en Formule 1 et oui mais pour, parce que ça me manque d'accord et c'est comme ça mais le c'est Jeff pareil. Manque okay. C'est pareil quand je regarde du e-sport avec du FIFA je trouve ça beaucoup plus passionnant que regarder du foot bon malheureusement ça n'existe pas encore un vrai jeu de rugby non. Mais voilà un jour s'il va y avoir du e-sport rugby je regarderai avec grand plaisir, mais voilà, le e-sport, entre guillemets, ce sont des athlètes, parce que si tu dis ce sont des athlètes, il y a des gens qui vont dire oui, c'est pas des athlètes, ils font pas de sport, ceci, cela, alors que c'est pas forcément le cas, je suis d'accord avec toi, mais voilà, c'est pour ça que je mets un petit entre guillemets ici. Dans le sport, il y a quand même la pétanque, quoi, pas me dire que c'est des athlètes, là aussi, parmi les tournois, dans ce cas. Je te ferais dire que la pétanque pourrait peut-être devenir jeu olympique pour Paris 2024. Effectivement. Ouais, et il y a pas longtemps, je regardais les mondiaux d'ailleurs de la pétanque, c'était super impressionnant. Mais on change de sujet. Ouais, je crois, ouais. Voilà, c'était pour que Nico puisse intervenir sur cette partie. Mais ouais, voilà. Donc, en gros, enfin, en conclusion de ce TGS là, nous, on est côté orga, on est super content parce que voilà, il y a des bons retours. On a essayé de mettre des trucs en place qui ont fonctionné. Il y a des trucs qui ont fonctionné, mais qui n'ont pas fonctionné, mais ou qui sont été un peu compliqués. Mais bon, ça, c'est les dessous. Hein. Comme tu l'as dit au début de la chronique, effectivement, c'était le dernier. Dans ce vieux parc des expos qui est vraiment vieillissant, franchement. Ça s'est vu. Quand je regardais les vidéos. Bah alors, déjà, nous, on le voit à l'installation, donc voilà. Mais quand je regardais les vidéos, les vlogs, les machins, tu te dis, ouais, il est vraiment trop vieux ce truc-là. Alors, attends, le pire, c'est que 15 jours avant le TGS, j'avais fait le parc sur l'auto. Ouais. Parce que j'avais eu des places gratuites grâce au travail. Et ben là, tu vois encore plus que c'est vieux, parce que c'est vide. Et ouais, parce qu'il y a moins de stands, moins d'habillage, moins de trucs comme ça, ou du moins les stands sont plus vastes et tout ça. Mais là, vivement l'année prochaine pour le nouveau parc. Je pense que ça risque d'être stylé et il me tarde vraiment, vraiment l'année prochaine. Ouais, ça va être ouf. Franchement, là, il me tarde aussi. T'as pu les voir, toi, du coup, les nouveaux locaux par des expos Non, moi, je ne les ai pas visités encore, mais la direction Fred l'a visité. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on devrait le visiter, je pense, courant de l'année. Maintenant, je pense qu'il y a la saison des autres salons qui vont venir. J'espère d'ailleurs que vous viendrez au moins un de vous à Montpellier ou à Perpignan, quoi, parce que c'est quand même cool aussi. Pourquoi pas, Montpellier, peut-être, mais Pau, oui, Pau. Alors, mes grands-parents, ils viennent. Ah oui, oui. En plus. On se regardera les dates, on est sûr de voir ça. Mais ouais, ça pourrait être cool. Il y a la saison qui va commencer et je peux te dire que la saison 2020 elle risque d'être vraiment cool sur les salons TGS. Bah avec grand plaisir en tout cas. Moi, ça ne me dérange pas à voir. Oui. Bon, Nico, il pourra pas. Voilà. Mais... justement, faut voir. Tout le TGS, c'est toujours du mal, mais les autres. Si en plus on se fait des covoiturages tous ensemble, ça franchement, cool. J'ai vu plein de gamins, Nico, au TGS. Ça, ouais, c'est, non, c'est bon, j'ai compris. L'année prochaine, j'avais mon gamin. Je te l'avais déjà dit pour cette année en plus. Il est pile dans l'âge. Mais l'année prochaine. Une paire de cibles. Ouais, je vais pas le voir sur la chaîne Fortnite, c'est pour ça. Je vais le voir sur les scènes en train de jouer. J'avais quand même aussi l'impression qu'il y avait presque comme des thèmes aussi sur vraiment chaque hall. Par exemple, sur le hall Star Wars, tu sentais vraiment qu'il y avait beaucoup d'orgas sur... Oui, c'était là où il y avait la scène à côté du... ça c'est le hall 5. Mais en gros, ça avait le hall 1, c'était à peu près tout ce qui est culture japonaise. Japon. Ça s'est bien ressenti, je trouve, cette année, qu'il y avait vraiment thèmes par hall, tu vois. Le 4, c'était vraiment la geekery pure avec les youtubeurs, les mangas, enfin, surtout le comics et tout ça. Il y avait pas mal de créateurs et tout ça. Le hall 5, c'était, on va dire, les marchands, les commerçants et l'ASF. Et le hall 6, c'était le hall gaming, où là, effectivement, il y avait l'amphi qui prenait quand même pas mal de place, mais effectivement, il y avait Omen, qui avait une scène vraiment cool, qui a bien marché. Il y avait matériel.net aussi, il y avait la scène jeu vidéo, où il y avait pas mal d'animations. Ouais, notamment Dina qui fait du Just Dance, et c'est tout le temps blindé. Ah ouais, le Just Dance c'était H24, il y avait tout le temps du monde, même le et soir. Et elle a du courage, elle, parce qu'elle danse du matin au soir sans s'arrêter. Parce que le samedi j'ai fait jusqu'à la fermeture, et jusqu'à la fermeture il y avait du monde à son au stand de pole dance. Merci Adrien. Bah, de rien, de rien. Peut-être que sur ce, on va s'arrêter là, hein, avant qu'on parle d'autre chose. Et donc maintenant c'est parti pour le entre guillemets le gros sujet. Je veux pas dire que le TGS c'était le petit sujet, mais là on va rentrer dans du lourd qui risque de ne pas être du tout organisé correctement. On va parler de d'une des meilleures sagas du cinéma, et peut-être même plus qu'une saga au cinéma, parce que maintenant il y a eu des animés autour de ça, il y a eu une série, il y a d'autres séries live qui vont arriver. Il y a eu des jeux vidéo, enfin bref, il y a eu des comics, des romans, bref, on va parler de Star Wars. Je vais peut-être commencer par une question simple. Vos premiers souvenirs autour de Star Wars, Nico ? Peut-être, avant de rentrer dans le sujet. On peut faire le tour, Tom, parce que... Ouais, d'accord. Merci Nico, qui n'a jamais vu un Star Wars de sa vie. Qu'est-ce que tu fais là ? Le problème, c'est que j'ai tellement des problèmes de mémoire que pour retrouver... Hey, Adrien, Star Wars, et toi ? Moi, Star Wars, la première fois que je l'ai vu, c'était chez des amis, en fait. Ou chez Alexis et Maxime. Ah putain. Et ouais, forcément. Mes amis d'enfance, et ils m'ont dit, tiens, on va voir un film, est-ce que vous connaissez ? Donc c'était leur père à l'époque. Je vais vous montrer Star Wars. J'étais là, Star Wars, qu'est-ce que c'est ? Ouais, ça va, et t'as là... commencé par Star Wars et pas par Star Trek quand même. Ouais. Parce que bon, le père de Max est capable de te faire commencer par Star Trek. Mais donc du coup, voilà, ça a été un nouvel espoir. Hein, et puis là, je suis tombé dans le vice. Hein, là, j'ai vu ça, je fais, oh mon Dieu. C'est génial. Mais c'est génial. Mais c'est trop bien. Et voilà comment tout a débuté. Donc, Et alors moi, ça remonte à très loin parce que mes parents sont méga fans de SF, toujours été fans de SF et surtout de Star Wars, ce qui fait que ils étaient fans avant même que moi je naisse, hein, parce que moi je suis né en 85, hein, du coup, eux, les Star Wars, ils les connaissaient pas. Ça veut dire que t'as quasi été... Alors, Retour du Jedi, c'était 83. 3. Putain, ouais. C'est ce que je te dis, presque à deux ans près. Ouais, mes parents, je te dis, t'aurais pu voir ton premier film au cinéma, ça aurait pu être Le Retour du Jedi. Et donc du coup, mes parents étaient déjà fans de Star Wars avant que je sois né, ce qui fait que j'ai toujours été bercé là-dedans. Je me souviens vaguement de la première fois que j'ai vu The New Hope. Ça s'appelait La Guerre des Étoiles, hein, à cette époque-là. Ça s'appelait épisode 4, on ne savait pas pourquoi. C'était vraiment... J'ai vraiment des brides d'images, genre les Jawas, les robots, le désert, les machins comme ça. Mais le truc, c'est que du coup, on avait un magnétoscope à la maison, et sur... alors, c'était même pas France 2, je crois, ça devait être Antenne 2 encore. Il y a eu le coup sur coup, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi qui sont passés. On les avait enregistrés en VHS, mais pas le Nouvel Espoir, ce qui fait que ces deux-là, je les avais eu en boucle, mais pendant des années. Et puis à l'époque, on n'avait pas les streamings, les machins, les trucs. Donc quand tu avais des VHS, tu les regardais en boucle. Et donc l'Empire contre-attaque, le Retour du Jedi, ça faisait partie des films que je regardais en boucle et en boucle et en boucle sur le magnétoscope de mes parents jusqu'à user la cassette. Et du coup, je recréais les scènes en Lego, je créais des vaisseaux avant même que les Lego Star Wars arrivent, tu vois. Et effectivement, après, quand en 97, il y a eu le remake des trois épisodes qui sont sortis au cinéma, on y a foncé. Et que ça a annoncé la venue d'une nouvelle prélogie. Moi, j'étais tellement fan. Et puis après, là-dessus, alors les produits dérivés, j'en ai eu forcément, hein, des figurines, des machins, des trucs. Mais quand en 99, ils ont sorti les premiers Lego... Franchement. Pareil. J'étais tellement fan de Lego, franchement. Déjà, Et pourtant, j'avais déjà 15 ans, hein, en 99. Enfin, 14 ans, tu vois. Donc, c'est plus trop l'âge où tu joues au Lego, tu vois. Voilà mes souvenirs Star Wars pour commencer mon adolescence. Franchement, c'est pareil. Je crois que c'était mon père qui avait enregistré, parce que lui, il n'était pas du tout fan de SF ni rien. Et moi, du coup, oui. Ma sœur, du coup, ma grande sœur, qui me disait « Ah, mais t'aimes ça, mais moi aussi. » Donc, du coup, tu vois, c'était genre la révélation entre les frères et sœurs, alors que les parents n'y pipaient rien, tu vois. Et du coup, mon père, il avait l'abonnement Canal+, à l'époque. Ouais, nous aussi, ouais. Et pareil. Du coup, quand ils étaient passés sur Canal+, ils étaient là « Ouais, il faut que tu enregistres. » Donc, hop, pareil, VHF. Ouais, 98-99. Et voilà, ouais. Donc, c'est ça. Rico. Ouais, mais moi, c'était, je crois que c'est mon père, parce que mon père aussi était vachement fan de tout ce qui est science-fiction et tout ça. Je pense que Star Wars, j'avais vu, c'était des cassettes qui étaient enregistrées. Et alors, les Lego, j'ai pas trop de souvenirs des premiers Lego, mais après, je me souviens que quand j'étais gosse, j'avais toujours un truc, un faux sabre laser ou un truc comme ça. J'avais des tonnes. Après, le côté cinéma, c'était le premier que j'ai vu, c'était le Star Wars 1, du coup, au cinéma. Mais sinon, c'était vraiment, ouais, toutes les étagères remplies de cassettes enregistrées. Il y en a, c'était du porno, d'autres, c'était du Star Wars. Ouais, enfin, Star Wars, à l'époque, il n'y avait que 3 épisodes. Hein. Oui. Donc, si t'avais une étagère remplie de... Si t'avais les 3 Star Wars, ça devait faire beaucoup de porno. Je te rassure, il y avait de tout. Il y avait, à mon avis, également du Stargate, en connaissant ton père. C'était les DVD. On avait pris les collections en DVD. Mais c'est vrai que le premier truc, vraiment, que mon père m'a transmis, bon, les Star Wars qui étaient enregistrés, mais c'était Stargate. Le... Mais ça, on verra pour un autre topic un jour. Tu parles de cinéma. Moi, Star Wars, donc le 1, c'est le premier que tu es allé voir. Moi, j'étais allé voir les remakes en 97 des trois autres. Mais le ticket de cinéma de Star Wars épisode 1 de 1991, je l'ai encore, tu vois, dans un classeur. Je l'ai encore, tu vois. Donc, de 1900, ça fait 20 ans. Putain, ça fait 20 ans. C'est un truc de ouf. Alors, pour moi, Star Wars, je me souviens, ça devait commencer quand j'avais 4 ans, 5 ans, où mon oncle avait mis ça, parce que j'habitais chez mes grands-parents, et mon oncle habite chez mes grands-parents. Et quoi c'est vrai. Ouais, contextualiste, tu as raison. Et il m'a testé Star Wars parce que lui, c'est un grand fan de science-fiction, c'est un grand fan de jeux de rôle et le reste, et puis il m'était du Star Wars, et puis bon, grâce à ça, j'ai commencé à être tombé amoureux de Star Wars, et quand j'étais malade et que je n'allais pas à l'école maternelle ou en CP, je regardais généralement du Star Wars, et pour rassurer ma grand-mère, juste après, je regardais du Disney. Mais généralement, il y avait quand même du Star Wars devant. Ouais, maintenant, c'est Disney Star Wars. Ah, voilà. Les temps changent. C'est ça. Et du coup, là, on va quand même parler, parce que bon, c'est vrai que avant Disney, il y a eu quand même pas mal de choses qui étaient sorties sur Star Wars, des romans, des jeux vidéo, je pense. Les épisodes spéciaux Noël. Non, on ne parle pas de ce genre d'épisode. Arrête. Je pense que l'Holiday, on peut l'oublier. Ah oui. Les Ewoks aussi. Ah putain, je les avais vus. Il y avait les films des Ewoks, ouais. Et il y avait le dessin animé. J'avais vu, je crois que j'avais vu le deuxième. Mais j'étais fan quand j'étais gosse du film des Ewoks. Ouais, bah ouais. Avec Wicket. Wicket qui se baladait tout le temps. Alors c'est quoi, parce que dans Star Wars 6, on les déteste. Mais dans le film des Ewoks, je les adorais. C'est mais moi, perso, je les ai jamais détestés. Ah ouais, et ouais, un truc qui m'a fait vraiment mal au cœur dans le remake de 97, c'est qu'à la fin du Retour du Jedi, l'ancienne version du 6, il y a les Ewoks en fait qui chantent une chanson en tapant sur les casques et tout ça, et dans la version remasterisée ils l'ont supprimé. Ils ont mis un autre truc sur les casques, parce que mais ils ont mis un autre truc, tu vois, avant c'était le wap wap. Par contre, je crois que sur les CD remasterisés, parce que sur les Blu-ray, ils y sont. Oui, sur les Blu-ray, mais également sur le CD quand tu l'achètes de la BO. Ah ouais. Sur la dernière version qui est sortie, tu retrouves la chanson des Ewoks. Mais voilà, donc je sais pas pourquoi on est parti là-dessus, mais rappelons aussi que les Ewoks, petit être très gentil, tout mignon, sont en fait des trucs qui bouffent quand même les soldats et tout ça, non, si je me souviens bien. Enfin, ils les bouffent pas. Si, ils les bouffent. Ils bouffent. C'est vrai qu'il voulait cuisiner Leia. Juste Anne. Ah bon ? Non, il y avait Luke aussi. Non, ils étaient tous. Luke était sur le poteau, mais Anne était le premier à se faire retirer parce que il se foutait de la gueule de ses 3 PO. Faut quand même rappeler que ces trucs mignons sont quand même des belles saloperies. Des carnivores, quoi, je veux dire. Mais en même temps, dans Star Wars, c'était pas des végans. Non, mais ils connaissaient pas. Ah, humaine, qu'est-ce que c'est ces trucs-là ? Ça doit être des animaux à bouffer, ça. C'est ça. Mais si, parce que si tu regardes, allez, ça y est, c'est parti en live. Si tu regardes les épisodes, les films des Ewoks, je crois que c'est avant la construction de l'étoile noire. Donc il y avait déjà eu des humains qui étaient, étaient venus sur Endor. Ouais, oui, oui. Oui, mais c'était des enfants. Non, il y avait le vaisseau. Tout le vaisseau s'est crashé. Il y avait la famille, le père et la mère, je crois qu'ils étaient morts dans le crash. Oui. Et il y avait le petit frère et la petite sœur. Des enfants. Qui faisait la tête des Ewoks. Voilà, et le petit frère qui s'est fait enlever, je crois, par l'espèce d'ogre géant, là. C'est ça. Et du coup, ils partent. Enfin, bon, bref. On va vraiment dériver. Mais... Oh merde. Non, mais on n'a pas tout dérivé que ça. On est toujours sur l'univers légende. Oui. Les films des Ewoks n'existent pas, officiellement. Ils sont pas canons. Ah merde, ils sont plus canons, c'est vrai. Ils sont pas canons. Donc, on n'a pas vraiment dévié. Quoique, je sais pas, en fait, ils sont pas canons. Non, ils sont pas canons. Ils sont pas canons, d'accord. Parce que justement, au moment du rachat de Disney, ils ont fait un long, c'est un petit truc. Disney a décidé de mettre canon que certaines choses qui sont donc la prélogie trilogie chose classique. Alors attends, peut-être on va peut-être expliquer pour ceux s'il y en a qui nous écoutent qui savent pas trop de quoi on parle, mais sur Star Wars on va commencer par là. Il y a effectivement tous les films qu'on connaît, les séries dont on parlera ensuite, mais il y a surtout un univers étendu gigantesque qui va du rouleau de PQ avec une histoire marquée dessus jusqu'aux comics et tout ça c'est l'univers étendu. Il y a vraiment tout. À savoir que l'univers étendu commençait à moins de 10 000 ans avant même avant, tu pars sur l'Empire Rataka, c'était avant la civilisation hyperspatiale, mais là on est à 35 000 ans avant la bataille de Yavin. On est donc 35 000 ans avant l'épisode 4 et ça va jusqu'à la série Legacy, c'est 200, je crois, 100, plus 130. Plus 130 ou plus 200. C'est à peu près ça parce que il y a la suite. C'est ça. Mais en gros, c'est un univers étendu qui va bien au-delà des films, qui va prendre plein d'histoires. Il y a vraiment beaucoup et toutes les histoires. Ça peut être du space op, ça peut être de l'enquête, ça peut même être du zombie avec une histoire de Stormtrooper zombie. De Death Trooper, je crois que c'est voilà. Ça, c'est le roman. Il y a vraiment une chier de trucs et du coup, ça existe depuis que Star Wars existe. Et quand Disney a racheté, ils ont dit c'est tellement le bordel, parce qu'en vrai, hein, nous on est fans avec Jeff, mais c'est vrai que objectivement parlant, c'était le bordel. Il y avait tellement d'histoires différentes. Et comment choisir quelle histoire garder et le reste pour on parlait de Marvel et DC au dernier podcast en disant que c'était j'avais du mal parce que c'était le bordel. L'univers étendu, c'était ça. C'était vraiment le bordel. Ça allait dans tous les sens. Il y avait une timeline à peu près unifiée, mais c'était vraiment compliqué. Alors, là où c'était compliqué, c'était les récits qui se passaient pendant l'ère de la République avant que les épisodes 1, 2, 3 étaient sortis. Exactement. Parce que de temps en temps, ça n'avait rien à voir. Voilà. Il me semble que sur une trilogie de romans, je ne me souviens plus du nom, où Luke partait à la recherche, il enquêtait sur sa mère, mais ça n'avait rien à voir avec Amidala. Mais donc tout ça pour dire que quand 2014-2015, quand Disney a racheté... c'est pas 2012 même. Non, parce que c'était quasiment la fin de Clone Wars et Clone Wars s'est fini en 2014. Vérifie, ami. Attends, on peut demander à Alexa sinon. Nico, il y est là. Nico, il y est. Il va nous sortir ça dans 2 minutes. Mais allez, dis-nous. Mais en attendant, tout ça pour dire que quand Disney a racheté Star Wars, eh bien, ils ont choisi, et je pense que c'était quand même une bonne idée, faut pas se mentir, de remettre à zéro l'univers étendu. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit que tout ce qui était sorti sur les supports avant le rachat de Disney n'était plus canon. Donc qu'est-ce que ça veut dire canon? Ça veut dire qu'il rentre dans l'histoire officielle de Star Wars. 2012. C'est si vieux que ça. Oui, c'est si vieux que ça parce que si tu veux, il y a eu une espèce de transition de 1 an, de 2 ans quasiment. Où Clone Wars avait continué parce que c'était sur la chaîne Cartoon Network, ça fonctionnait le reste. Oui. Et ils ne savaient pas vraiment vers quoi ils allaient se tourner. Et le film avait été annoncé en 2000, pour une sortie en 2014, voire 2015. T'as raison. Si tu veux, il y a vraiment eu un long processus où on ne savait pas vraiment où on voulait aller au niveau de Star Wars. Et donc, c'est vrai qu'ils ont décidé de garder donc, les films 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garder Clone Wars parce que c'était la série sur Cartoon Network. Ça a failli passer en légende, Clone Wars. Mais il y a une partie de la guerre des clones est passée en légende. C'est parce que tu avais eu la première série Clone Wars qui était sortie sur Cartoon Network. Elle est toujours canon. Non, pas la première série sortie avec le dessinateur. Avec le dessinateur de Samurai Jack. Ouais. Et ça, c'est plus canon parce que. T'es sûr ? C'est sûr et certain. Parce que moi, je me souviens, j'ai relu il n'y a pas très longtemps l'histoire de Shakti. Et à la fin de... En fait, la fin de la saison 2 des premiers Clone Wars se termine genre 5 minutes avant l'épisode 3. Ouais. Et en fait, en lisant l'histoire canon de Shakti, bah, c'est toujours valable. C'est-à-dire qu'elle a échoué à retenir l'enlèvement de Palpatine. Donc du coup, pour moi, le Clone Wars de Tartakovsky s'intègre aussi... Non, pas vraiment, parce que si tu veux, ce genre de choses apparaissait déjà dans les scènes coupées de l'épisode 3, où elle meurt des mains de Grievous. Voilà, mais en fait, elle meurt pas. Oui, parce que tu l'as renvoyée dans le pouvoir de la Force. Voilà. Oui, non, mais non. Oui, bah alors déjà, le pouvoir de la Force, on ne va pas me lancer là-dedans. Mais, je me rappelle même plus de l'histoire du pouvoir de la Force, pourtant j'ai joué aux deux. Hein, mais... Et le nouvel univers canon, si on parle de Shakti, en fait, elle meurt au temple Jedi tué par Anakin. Ouais. Ce serait, comme la plupart des Jedi. Voilà. Tout ça pour dire que, donc, du coup, on a un univers qui est donc canon depuis 2014, du coup, on va dire, hein, en gros. Et que tout ce qui paraît et sort maintenant. Correspond à la timeline complète de Star Wars. Et à savoir qu'ils sont très forts en ce qui concerne de travailler sur les timelines Lucasfilm, parce que tout est vraiment connecté. Hein. Mmh. Tu retrouves des personnages dans des romans, dans les comics ou dans les séries. Là, ils ont annoncé, alors apparemment, ils auraient commencé le tournage en secret, une nouvelle série live Star Wars sur le Docteur Aphra. Ouais, d'après les rumeurs, ils ont commencé à chercher le tournage, mais ouais, et ce serait ouf. Et ça serait la première fois sur Docteur Aphra, ouais. Ça serait le premier personnage de comics à intégrer une version live. Donc ouais, fait. Là on parle du Docteur Aphra. En fait, l'univers étendu, que ce soit canon ou Legends. Alors Legends, c'est toutes les œuvres donc qui étaient sorties avant le rachat sont passées Legends. Et en fait, dans tout cet univers étendu, il y a énormément de personnages qui sont vraiment excellents, qu'on ne voit jamais dans les films. Des très très bons persos qui ont leur propre histoire. Et c'est le cas du Docteur Aphra, qui est né dans le nouveau comics de Dark Vador, et qui a maintenant son propre comics à elle, oui. Et qui est un personnage vraiment cool. C'est une espèce d'archéologue pas forcément raté, mais très limite niveau déontologie. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec Indiana Jones, qui est un autre personnage de Lucasfilm, hein, mais clairement, voilà. Elle, la place n'est pas dans un musée. C'est la vraie Tomb Raider, pour le coup. La vraie pieuse de tombe, quoi. Ouais, je pense qu'elle a plus de déontologie, Lara Croft. Ouais, c'est vrai. Et après, elle est boss pour Dark Vador, et c'est vraiment un personnage super intéressant. On parle de l'univers étendu Legends, il y avait une liste pas mal de persos, enfin on va pas parler de Mara Jade, qui était l'ancienne femme de Skywalker, on va pas parler d'Ark Revan, on va pas parler... Alors si, par contre Thrawn, l'amiral Thrawn... Je voulais en parler. Ah, vas-y, Nico. Mais non, je m'y connais pas trop, mais c'est vrai que Thrawn, qui est normalement c'est l'univers c'est l'univers Legends maintenant, ouais. Qui du coup a été repris. Il y a eu un roman sur lui, il a été mis dans le Rebels. Dans la série Rebels, qui est d'ailleurs excellente comme série. Et voilà. Mais c'est vrai que le reprendre Thrawn pour le remettre dans Rebels, surtout qu'on ne sait, on n'a toujours pas une vraie fin à Rebels, j'ai trouvé exceptionnel l'idée de reprendre Thrawn. Avant de parler de Rebels et Clone Wars, moi, sur l'univers étendu, il y a juste un truc que. Je sais que toi, Jeff, c'est pareil pour toi, qui me chagrine, c'est qu'on ne sait pas trop vraiment, même si on sait que c'est légende, ce qui se passe de toute l'ancienne République et tout ce qui se passe dans les millénaires bien avant l'épisode 1. C'est du canon. Mais il y a quand même des trucs qui sont vraiment cool à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire, tu vois ? Mais ça, c'est simple. Je te rappelle que l'actuelle présidente de Lucasfilm m'a dit qu'elle n'avait pas de matière à travailler sur Star Wars, parce que tu ne comprends pas qu'il n'y a pas eu des milliers de pages de comics comme chez Marvel ou autre. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, ouais. Elle n'a pas d'idée pour Star Wars. Après, ça dépend, parce que j'ai vu quand même pas mal de rumeurs par rapport à The Old Republic pour qu'ils le reprennent, par exemple. Mais donc, ça serait bien qu'ils... Le truc, c'est que le personnage de Revan, on parlait de Thrawn, Revan, Dark Revan, c'est le héros, pour ceux qui ont joué à l'époque, de Knight of the Old Republic, qui était un MMO, qui était un RPG par BioWare. C'était une histoire absolument géniale. Dark Revan, c'était un personnage de ouf. Qu'ils ont su bien clôturer avec The Old Republic. Ouais, grave. Dans le MMO, du coup. Ouais. Dans le MMO, on le retrouve. Et puis même dans les comics, dans les machins. Et c'est vraiment un personnage génial. Et toute cette période, autour de 5000 avant, entre 5000 et 4000 avant la bataille de Yavin, il se passe plein de trucs. C'est génial, mais du coup, c'est pas canon. Donc, est-ce qu'on va avoir un jour de la Holy Republic? Apparemment, d'après les rumeurs, le réalisateur de Star Wars 8, j'ai oublié, Rian Johnson, devrait continuer à travailler sur une trilogie. Et d'après les rumeurs, ça serait peut-être sur The Old Republic. Ah ouais. Ça serait bien. C'est ce qu'on espère tous. J'aimerais bien. Ouais. C'est un des seuls côtés hors univers canon que je connais, mais les KOTOR, par exemple, étaient ouf. Quoi. Ouais, c'était les meilleurs jeux. Puis le MMO, moi, je l'ai repris il y a quelques jours, là, vu qu'on en parle. Là, c'est The Mandalorian qui m'a donné envie de rejouer ma chasseuse de primes sur Star Wars Store. Et ouais, bon, il est vieux, graphiquement, non, ça pique, mais c'est quand même cool niveau histoire. Viol République, quand même, ils l'ont annoncé à E3, ils ont mis 3 ans pour le sortir, à chaque E3, ils nous mettaient de ces bandes annonces pour les bandes annonces. Et tu voyais les cinématiques, tu disais, c'est juste merveilleux. C'était ouf. Le jeu est en free to play, mais même sans y jouer, aller sur YouTube et aller regarder les cinématiques de Star Wars Store, notamment l'intro et quelques autres présentations. L'intro générale, l'intro côté obscur, l'intro côté lumineux. Et après, il y a les extensions de Knights of the Fallen Empire qui sont vraiment stylées aussi. Vraiment très, très stylées. Donc ça, c'est sur la page Legends, on va dire. Voilà. Hein. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui est canon? Donc, on a parlé des films. Donc, les films 1, 2, 3, hein, qu'on va pas forcément revenir sur la prélogie, parce que bon, il y a eu beaucoup de choses de bien faites avec la prélogie, mais énormément de choses de mal. Coucou, Jar Jar Binks. C'est saut 2010 de cracher sur Jar Jar Binks. C'est 1999. Mais c'est en 2010, on crache sur lui, il faut passer à autre chose maintenant. Non, moi, maintenant, de cracher sur la nouvelle trilogie, merde. Il me gêne pas. Bah, on va cracher bientôt, d'accord. Après, donc, il y a eu la série The Clone Wars dirigée par Filoni. Ouais. Qui est pour moi le fils spirituel de George Lucas sur pas mal d'aspects. Je suis d'accord avec toi, je suis bien content d'ailleurs qu'ils reprennent un peu plus les rênes de l'univers Star Wars maintenant, avec Favreau. Avec Favreau, si la présidente saute, apparemment ça serait. Je sais pas, je pense pas qu'elle va sauter parce qu'en termes de résultats, Disney, ils sont satisfaits d'elle. Après, en termes de créativité, c'est autre chose. Ouais, c'est un problème. Mais il n'empêche qu'il y a Filoni et Favreau, même si on pouvait se poser des questions. Je pense qu'au bout de 6 épisodes de The Mandalorian, on est d'accord pour dire que c'est bon, il y est. Après Favreau, il a pas réalisé les 6 épisodes. Non, mais c'est quand même créateur. C'est créateur. Et il est showrunner. Oui, il est showrunner. Donc, et Filoni derrière, c'est Clone Wars, c'est un peu de Rebels, c'est la nouvelle saison de Clone Wars, parce qu'au mois de, faut pas oublier qu'au mois de février, il y a la saison. Je me demande si c'est pas 20 février. Février 2020, il y a saison 7 de Clone Wars. Et ça, franchement, je suis vraiment méga chaud parce que j'ai tellement adoré Clone Wars et Rebels. Parce que pour moi, tu peux pas voir l'un sans l'autre. Alors, attends, on va vite fait revenir quand même sur Clone Wars qui est. Février 2020. Donc, on va revenir sur Clone Wars qui est quand même le premier gros animé donc de bientôt 7 saisons de l'univers Star Wars. Où la première saison était. Entre guillemets, c'est enfantin, mais malgré qu'il y ait eu un double épisode qui était sorti au cinéma à l'époque, j'étais allé le voir avec toi. C'était un film complet, Exact. Où on voyait avec Ashoka et tout, qui était vraiment très bien réalisé, très bien, très intéressant. Et, mis à part certains épisodes entre les droïdes, sinon, moi, c'est vrai que le noir, j'ai beaucoup aimé. Malgré que, entre les romans qu'il y avait eu, la série, il y avait eu quelques petits cafouillages sur les Mandaloriens, j'ai pas trop satisfait, mais je pense que Filoni a essayé de faire un monde honorable avec la série. Ouais, on peut dire. Et la série Rebels. Mais on peut dire que là, sur les Clone Wars, effectivement, ça a commencé et ça s'est terminé au moment où Disney a racheté. Ce qui fait que, du coup, il y avait ce qu'on disait au début de la chronique, l'entremêlement de tout ce qu'il y avait en Legends et la série. Et c'était un peu compliqué de dépatouiller la série du Legends. Mais maintenant qu'on peut enlever tous les romans, tous les machins, tous les trucs autour de cette période-là, et qu'on garde que la série, plus les nouveaux bouquins qui sortent sur Clone Wars, ça reste quelque chose qui est très clair. Alors, la structure de Clone Wars, c'est un peu genre des chroniques en arc de quelques épisodes, et ils sont pas forcément dans l'ordre. Sur Internet, il faut chercher un petit peu, si vous voulez vous lancer dans les Clone Wars, il faut chercher un petit peu, il y a un ordre chronologique à suivre, avec l'ordre des épisodes dans l'ordre chronologique qui est plutôt cool. Et ça part donc de la fin de l'épisode 2 jusqu'au début, un petit peu avant de l'épisode 3. J'espère même que dans la saison 7, on termine après l'épisode 3. Alors normalement non, parce que de ce que j'ai vu, on va s'intéresser. Alors de ce que j'ai vu, on va s'intéresser à ce qu'est devenu Ahsoka une fois qu'elle a quitté l'Ordre Jedi. On va avoir. En fait, ça va être la suite de la saison 6. Va y avoir, a priori, ça va tourner autour de ce que fait Ahsoka de son côté, et ça va tourner autour de ce que fait Dark Maul avec le truc du crime là. Ah oui, qui va dans Solo. Dans Solo. L'ordre psyen, non. Non, il y a un truc sombre dedans, ou je sais pas quoi. Oui, enfin bref. Bref, voilà, exactement. A priori, de ce que j'ai vu, ça va être là-dessus, et ce sera toujours avant l'épisode 3, a priori. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir du Clone Wars qui serait arrivé un peu après l'épisode 3. C'est Rebels, là, pour le coup. Non, mais quand je te dis un peu après, c'est vraiment la chute de l'Ordre du Jedi, c'est vraiment voir les clones qui... Ça, tu le vois quand même pas mal, parce que en fait, j'ai dit que ça allait jusqu'à l'épisode 3, mais je me suis trompé. En fait, le Clone Wars, ça se passe aussi pendant l'épisode 3. C'est-à-dire que l'épisode 3, il commence à un certain moment, il y a quand même des ellipses, et en fait, Clone Wars s'insère dans ces ellipses pour rajouter des histoires. Oui, non, mais tu vois, alors, tu vois quand même pas les clones tuer des Jedi ou autre. Il y en a. Ah si. Enfin. Non, parce que c'était passé avant l'ordre, avant la revanche des Sith, où c'était des clones défaillants. Oui, effectivement. Non, ça va pas jusqu'à l'ordre 66, mais ça va un petit peu avant. Ahsoka, elle part, je crois, quelques mois avant. Non, elle part. La saison se finit là avec l'histoire de la saison 6 avec Yoda qui a des visions. Et du coup Dark Maul et Dark Sidious, ça c'est la fin de la saison 6, et ça se passe quelques mois avant l'Ordre 66, c'est genre quelques mois vraiment. D'accord. Parce que Amidala est déjà bien enceinte, oui. Donc on est à peu près à cette période là. Et voilà, donc après il y a eu Clone Wars, l'Ordre la revanche des Sith, putain j'avais oublié le titre quand même, je crois que c'était l'heure d'apologie quand même, et on arrive tranquillement après vers la série qui s'appelle Star Wars Rebels, qui est... Alors, juste avant Rebels, on peut intégrer un autre truc canon, c'est Star Wars Fallen Order, qui se passe 5 ans après l'épisode 3. Ah putain, j'ai oublié, oui, bien joué. Ça se passe 5 ans pile après l'épisode 3, et c'est un jeu qui est excellent. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à un bon jeu Star Wars. Il est trop bien. Et je te l'avais dit. Ouais, c'est toi qui m'as convaincu de l'acheter. Il est vraiment excellent. Alors, surtout que moi, ce que j'ai adoré là-dessus, on va entre guillemets, merde, c'est pas du spoil, je suis désolé, Star Wars 7 est sorti depuis un petit moment. Ouais. Mais on voit quand même les préludes de Starkiller. Ah, mais ça, c'était ouf. Je suis encore partagé là-dessus. En vrai. Mais tu le vois, la tranchée. Ouais, tu peux pas dire le contraire. Ouais, mais c'est peut-être qu'une tranchée. En fait, si c'est vrai. Bon, qu'on explique. Dans Star Wars Fallen Order, donc le jeu vidéo, on va sur la planète Ilum. Donc voilà, une nouvelle fois, on digresse. On est à 27 minutes. Hein, donc voilà, on peut continuer à digresser. C'est fini. C'est voilà. Du Star Wars. Mais donc, on le savait. Gros, Ilum, on va sur cette planète parce que Ilum, en fait, c'est une planète qui est importante pour les Jedi, puisque c'est là où, en fait, ils vont chercher les cristaux de leurs cristaux Kyber. Ouais. C'est les cristaux qui servent à faire les sabres laser. Et à un moment donné dans le jeu, le héros a un problème avec son sabre et donc décide, lui, de retourner sur Ilum pour aller chercher un cristal. D'ailleurs, il y a un épisode, enfin, il y a un arc complet dans Clone Wars qui se passe sur Ilum. Donc, c'est vraiment canon, là. Et en fait, on se rend là-bas et quand on va dans cet endroit-là, on voit que l'Empire est déjà présent et qu'il fait des forages justement pour extraire le Kyber pour l'étoile noire. Quand on arrive en orbite de la planète, il y a une animation où on voit une tranchée gigantesque. Alors, et cette tranchée fait très fortement penser à Starkiller, la base Starkiller de l'épisode 7. Surtout que ce genre de détail est revenu également dans un roman non sorti en France qui est centré sur Ahsoka, où pareil, quand elle arrive sur Ilum, elle voit cette grosse tranchée qui nous fait poser des questions. Alors des moi, rumeurs, en vrai, je vais vous dire pourquoi ça me fait mal au cul, parce que si effectivement Ilum est devenu Starkiller, ok, c'est cool, ça pourrait même être logique, mais ça me fait vraiment mal parce que à la fin de l'épisode 7, elle explose sans cérémonie et c'est quand même une planète. Et puis elle passe à la trappe quoi. Elle passe à la trappe. On sait pas d'où elle vient. Et puis bon, ça y est, elle est explosée. Même presque tant mieux. Et puis en fait, tu te rends compte que si c'est Ilum, tu fais Ah merde, quand même, c'est quand même une planète, merde, super importante, quoi. Ben, surtout pour les Jedi, c'est clair, ben quoi. Ouais. C'est, alors, je vais être clair, je pense. Surtout qu'en plus, dans le jeu, dans Fallen Order, c'est quand même tourné autour sur, ben, il faut refaire un ordre Jedi, il faut que les Jedi, il faut qu'ils reviennent, quoi. Il faut refaire un ordre, il faut revenir sur ça, c'est eux qui vont, Si ça vous rassure, je pense que J.J. Abrams, lui, ça lui a passé à 100 000 quand il a écrit le scénario de Star Wars 7. À mon avis, je suis même pas sûr. En vrai, il n'y a même pas pensé. Je pense que c'est les mecs de Lucasfilm qui ont travaillé là-dessus, ouais, post-sortie de l'épisode 7. Ouais, mais du coup, ça fait mal. Enfin, ouais, ça fait mal, parce que du coup, c'est sans cérémonie, quoi. C'est une planète qui était quand même très, très importante, au moins dans la mythologie Star Wars. Ouais, dans la mythologie liée aux Jedi. Voilà. Je pense que celui qui aurait fait le plus mal et qu'on aurait peut-être apprécié un commentaire, ça aurait été Luke. Dans l'épisode 8. Bon, on en parlera après. Mais bon, là, on va en reparler après. Hein. On va en parler après. Donc, le jeu avant Rebels, très très bon, qui appelle une suite, en vrai. Et il y a la place pour une suite. Et vu que le jeu a quand même bien marché, et à la fois critique pour moi, et je à la pense fois qu'il public, est sorti un peu trop tôt. C'est-à-dire sur la finition du jeu, certains bugs quand même. Mais à part ça, l'histoire. À part ça, l'histoire est vraiment demandée. Bon, on va pas parler gameplay ni rien, parce que c'est pas le lieu. Je vais juste digresser. Bon, on digresse depuis 30 minutes. Mais c'est quand même le premier jeu que Electronic Arts sort comme ça depuis des années. En dehors des Battlefront. Ouais. Au niveau. Il n'y a pas de DLC. C'est une histoire complète. Tout ça, ça fait du bien de voir un jeu. Entre guillemets, d'ancienne génération revenir sur le marché. Ouais. Et ça, ça fait un plaisir. Et sur Star Wars. Et donc, c'est vraiment cool. Donc, ça se passe 5 ans avant. 5 ans après l'épisode 3. Ouais. Et donc, on arrive à Rebels, qui est un peu plus large sur la période. Oui, qui va se passer, à mon avis, sur 5-6 ans. Ouais, je crois que c'est ça. Et ça se finit juste avant. Et ça se finit. Avant Yavin, 1 ou 2 ans avant Yavin. Moins 2 avant Yavin. Ouais, je pense. Et qui a eu le droit à 2 prologues. Un en comics où il y a une mini-série autour du Jedi Canon qui est très bien, je trouve, très bien mené. J'ai beaucoup aimé. Possible de le trouver en coffret pour Noël d'ailleurs. Et également le roman où il y a la rencontre entre Hera et Canon. D'accord. Ah oui, ça, je l'ai pas lu, mais j'ai vu que ça existait, ouais, effectivement. Je l'ai pas encore lu. Et du coup, pour parler vite fait de Rebels, parce qu'on pourrait parler pareil des heures, c'est 3 saisons. Qui vont expliquer l'histoire d'un apprenti Jedi, enfin en devenir un enfant qui est réceptif à la force. La naissance de la résistance, en fait. De la rébellion, plutôt, ouais, puisque la résistance était déjà en place, mais de la rébellion véritablement en tant qu'organisme. 4 saisons, C'est 4 saisons ? 4 saisons. Ah, ça se finit saison 4, ok, d'accord. Du coup, ça englobe aussi. Le film qui a été fait sur la naissance de la rébellion, qui est juste avant le 4. Non, ça ne semble pas Rogue One. Rapport à Rebels, tu vois. Dans Rebels, en fait, chronologiquement, il va prendre Solo, par exemple. Ouais, ok. Solo, c'est à peu près en même temps que Rebels. C'est à peu près à la même époque. Mmh. Je crois que Solo est un petit peu avant, on va dire. Oui, avant, c'est parce que Fallen Order et Rebels. Solo est avant Rebels, parce que Rebels clôture l'histoire de Darth Maul. Par un épisode super sympathique sur Tatooine. Oh, génial, quel épisode. Ah oui, avec le combat contre Obi-Wan, ouais, très très bon. Cette fin, elle est magnifique. Enfin, on va spoiler, excusez-moi, mais ça se finit par un. Donc Dark Maul, on le sait, il est vivant, machin, tout ça. Ça, on le voit dans Clone Wars. Et dans Solo. Il revient dans Rebels. Il fait ses bails. Hein. Il revient dans Rebels, mais comme un ermite fou. Il a perdu son pouvoir, il a perdu son organisation criminelle, il a tout perdu. Il est plutôt comme un ermite fou. Exactement. Et il essaye de faire venir Ezra du côté obscur. Il essaye de lui montrer le pouvoir du côté obscur. Et il apprend que Obi-Wan est toujours en vie. Et il veut le traquer. Il arrive à le trouver sur Tatooine. Et s'ensuit un combat que Obi-Wan gagne une nouvelle fois. Et au moment de mourir, Dark Maul demande à Obi-Wan s'il est là pour veiller sur l'élu de la prophétie. Et Obi-Wan lui dit oui, et là-dessus, et je crois meurt. Et je crois même qu'il a l'entreaperçoit Luke ou il connaît comme ça. Ah. Et c'est. Ouais, c'est trop beau, c'est franchement, génial. Ouais. Rien que pour ça, la série, elle vaut le coup. Mais elle vaut surtout le coup pour Ahsoka, qui est mon personnage préféré, je pense, de l'univers étendu. Moi, j'ai beaucoup aimé Sabine. Elle est cool, mais parce que c'est une Mandalorienne. Mais c'est Mandalorienne. C'est Mandalorienne. Donc voilà, après il y a Solo, on va pas revenir sur le film, on aime ou on n'aime pas, perso, moi j'adore. C'est du Star Wars, donc c'est toujours cool. Tu veux épiloguer Oh merde, tu adores. Comment ça, tu j'aime adores vraiment beaucoup. Alors, pourquoi j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe Ben, il est cool. Bonjour Nico. Quelque chose à dire, toi qui vas souvent au cinéma sur Solo? Ah, j'ai détesté, moi. Bah, à part non, la après... fin qui te laisse présager la suite et une suite bonne, ouais, le film, mais qu'il y aura pas. Mais oui, il y aura pas, du coup. C'est... Alors, moi, il y a deux choses qui me gênent sur. T'as pas le droit de parler de Daenerys. Non, mais je ne vais même pas revenir sur ce laidron. Je n'aime pas Solo pour deux raisons. Alors, premièrement, dans les comics Star Wars que tu as lus, tu apprends que Solo a fait un faux mariage avec Sana. Oui. Et j'aurais adoré, j'aurais préféré voir le personnage de Sana au lieu de l'autre quiche. Moi, M2F, bref. Et... Voilà. Non, mais alors, je t'explique. Non, alors, mais moi, je vois les deux énergumènes là. Non, objectif. Non, mais cachez votre fiel, moi, de toute façon. La deuxième chose, je me souviens de. On a parlé de Legends, mais je me souviens de Legends et de la rencontre entre Solo et Chewbacca. Ah oui, ok. Et là, je suis d'accord. Où Chewbacca faisait partie d'un vaisseau avec des Trandoshiennes. Voilà, il était esclave. Il était esclave. Et à mon avis, ils allaient même mener le vaisseau vers l'étoile noire. Solo était un officier, pas un espèce de baragouineur à la con. C'était un officier, un vrai officier, qui avait réussi, entre guillemets, sa carrière, il était capitaine, il avait des grades. Il sortait de l'académie. Il sortait de l'académie, d'où son pantalon avec les grades qu'il avait dans l'épisode 4, c'est parce qu'il est capitaine, et c'était son dernier souvenir de l'Empire. Et vu qu'il avait été élevé par une Wookiee, il n'avait pas supporté ça, il a libéré Chewbacca contre la vie de l'Empire et il a fui. Côté émotion au personnage extraordinaire qu'ils ont balayé. Moi, parce que j'ai connu les Jeunes. Mais voilà, mais moi aussi je l'ai connu les Jeunes. Donc voilà, je m'attendais pas à voir dans tous les cas ce que je savais sur Han Solo. Donc moi je suis parti là-bas en oubliant tout. En vrai, il est pas mauvais le film. Franchement, il y a plein de bons trucs. Les passages où justement où il fait partie de l'Empire, t'as envie que ça dure encore plus longtemps parce que il est en guerre dans cette espèce de guerre de tranchées. L'univers graphique de ce moment-là du film est génial. La photographie, c'est sympa. Après, moi, bon, si je regrette un truc sur le film, c'est que tous les hauts faits entre guillemets de Han Solo, ils sont regroupés en une demi-heure. Alors que il a fait plein de trucs dans sa vie et on en entend parler tout au long des anciens épisodes, mais du coup là c'est tout dans le film, donc le raid de Kessel en 12 parsecs, avoir le Faucon Millennium, tout ça se passe dans le même épisode. J'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais en vrai il est pas mauvais, il y a des trucs bons et j'ai apprécié, je me suis pas fait chier en Non, je me suis pas fait chier, je l'ai trouvé vide. On va éviter de repartir. Mais tout ça pour dire que le film est canon, que il a pas marché au box office, qu'il y aura pas de suite. Il a pas marché. J'ai une explication également pourquoi il a pas marché, et une erreur que le Disney a fait, c'était de le sortir 5 mois après l'épisode 8. Oui. Et ça c'était la pire connerie. Ouais, mais je suis pas sûr. Mais regarde, Marvel, ils sortent des films tous les 4 mois. Oui, mais et ils font plus. Marvel, c'est des héros différents. Là, certes, tu vas me dire c'est un spin-off, mais on avait l'habitude d'avoir notre Star Wars en décembre et ça a amené l'année. Tu attendais un an pile et tu avais ton autre film. Et là, ce n'est pas le cas. Ouais. Et ils ont voulu le sortir trop tôt parce que le dernier Jedi était toujours en salle sur certains cinémas. Ouais, je sais pas. Je pense que ça y joue. Moi, je pense que ça a surtout souffert de la production qui a été vraiment chaotique avec des changements de réalisateurs. Ah, des changements de scénaristes. Oui, mais il y a l'habitude avec Star Wars. Quand tu prends Rogue One. Qui était sorti 2 ans plus tôt, c'est même sujet. Je suis d'accord, mais bon, voilà. Et pourtant, meilleur de pain pour moi, Rogue One. C'est un des meilleurs Star Wars, c'est un des meilleurs Star Wars pas fait par Lucas, quoi. Enfin, c'est ça, en fait. C'est bon, donc voilà, donc on arrive, on finit Rebels, on arrive sur Rogue One. Rogue One. Voilà. Je pense qu'on peut critiquer énormément Disney sur certaines choses, mais Rogue One, il a su fédérer franchement tous les fans. Ah, tous les fans, ils ont su. C'est un film de guerre. Dernière scène. C'est un film de guerre. Moi, le réel, je le suis depuis pas mal de temps, c'est Gareth Edwards. Ouais. Il a fait notamment le Godzilla 2014. Et nice. Ce mec-là, j'adore parce qu'il a une histoire de ouf. À la base, c'est un mec qui bosse dans les FX. Il disait en interview, ce mec-là, comme moi je racontais au début de la chronique, il a découvert Star Wars depuis qu'il est tout petit. Et il était fan de Star Wars depuis qu'il est tout petit. Et pour lui, c'est Star Wars qui l'a amené notamment aux effets spéciaux et au cinéma des effets spéciaux. Et il a fait une formation pour ça. Il était dans un grand studio et il y a quelques années, il a gagné un prix. Ce qu'il a montré, et il a fait son premier film avec l'argent qu'il a gagné du prix, qui était Monster, qui était un film qui a pas coûté cher, mais qui était déjà génial d'écriture. C'était vaguement l'histoire de deux Américains qui sont paumés au Mexique et qui veulent rentrer aux États-Unis, mais en fait, si tu veux, entre le Mexique et les États-Unis, il y a une zone extraterrestre, puisqu'il y a un météorite qui s'est crashé et qui a modifié la faune et la flore de l'endroit. Et donc, du coup, il se retrouve dans cette espèce de terre, pas terre. C'est un film épopée vraiment cool. Le film a bien marché et on lui a demandé de venir bosser sur Godzilla. Donc, fan de Godzilla, il se dit « Ok, il fait Godzilla, on aime ou on n'aime pas, mais le film a bien marché. » Là-dessus, Disney a cherché des réalisateurs justement pour les spin-offs et il appelle pour faire du Star Wars. Et le mec... il est au cinéma parce que il connaît Star Wars depuis qu'il est tout petit et il se retrouve à réaliser un épisode de Star Wars et il fait un épisode qui est génial. Génial. Franchement, il est magnifique. C'est enfin la photographie, tout dans ce film. Tout dans ce film nous donne envie à voir, revoir. Je l'ai revu dernièrement, maintenant que je me faisais tout. C'est un des seuls que j'ai revu. Je le regarderai en mars. Disney Plus sortira en France. Ouais. En espérant qu'il y soit. Moi, je l'ai en Blu-ray, donc je me le fais régulièrement mais aussi. Non, mais... c'est vrai que la bataille de Scarif. Scarif. Pareil, Scarif, on en entend parler dans Clone Wars. On entend parler dans Rebels. Enfin, voilà. Et la technologie qu'on entend parler dans Scarif. Une scène où tu as Jean qui est en train de chercher les plans de l'étoile noire. À un moment, il parlait d'un traceur hyperespace. Oui, effectivement, et qu'on a dans le 8. Qu'on a dans le 8 également. Ouais, exactement. Et tout ça fait que Rogue One est pour moi le film Star Wars de Disney parce qu'il regroupe tout, il récupère tout, et puis c'est magnifique. Puis bon, ils mettent la dose de fanservice qu'il faut. Parce que c'est du fan service, mais non, mais un bac du fan service. C'est du bon fan service. C'est un bon, comme c'est filmé et comme c'est amené surtout en plus. Je me rappelle ce couloir où t'entends juste la sirène d'alarme, tu sais, t'as plus de musique, t'as plus personne qui part, t'entends juste les mecs qui courent et après là tu vois le sabre rouge, t'entends la respiration, tu vois juste le sabre qui s'allume, t'as pas de lumière, puis là après c'est voilà. T'as fini toi Star Wars ou pas le Fallen Order? Non mais je m'en fous. Mais moi j'ai retrouvé le même truc. En fait, il y a exactement le même truc dans Star Wars Fallen Order. On est d'accord. Ça a amené pareil et ça m'a fait le même truc. Pareil. Je vais revenir quand même sur quelques à côté qu'on voit dans Rogue One où le château de Dark Vador, on le voit monter dans une série de comics avant qui s'appelle Dark Lord of the Sith. Ouais, parce qu'il y a deux collections. Écrit par Charles Soule, qui est juste génial, où on voit le Dark Vador post-épisode 3 en train d'essayer de se grimper une réputation. Moi, j'ai vu que le tome 1 pour l'instant. Mais La série s'achève avec la construction du château. Sur Mustafar. Sur Mustafar. Donc là-dessus, déjà, c'est déjà premier bon point, super bien. Et également, on voit le droïde de Hera. Chopper. Ouais. On voit Chopper. Et dans les haut-parleurs, t'entends Général Syndulla. Au début, on pouvait penser que c'était son père. Il y a le gosse sur Yavin 4. Il y a le gosse également. La première fois où ils arrivent sur Yavin 4, tu regarderas en bas à gauche, il y a le ghost. Ah oui, il y a le gosse, oui. Ouais. Il y a le vaisseau de l'équipe d'Ezra. Donc non, rien que ça, c'est du bon fan service également qui montre que Rogue One Et pour moi, le film pierre angulaire. Ah, on est d'accord. Et ça amène très bien à l'épisode 4. Et petite anecdote, ça me fait plaisir. Ma femme n'aimait pas Star Wars. Quand elle a regardé les 9 Star Wars et plus la série, les 9 Star Wars, les 10. Avec les spin-offs. Et elle a une peur de Dark Vador. Et quand elle a vu la scène de Rogue One, cette fameuse scène, quand même, elle a bien flippé sa race. Franchement... Mais c'est quand même une des meilleures scènes de Lucasfilm. Bon, après, bon, on va revenir vite fait. Hein. Donc, il y a eu Star Wars épisode 4 qui est sorti en 77. On a le comic Star Wars qui est sorti, qui retrace l'histoire entre la fin de l'épisode 4 jusqu'au début de l'épisode 5, qui est terminé aux États-Unis. Ouais, ça va être en 10 tomes chez nous, non ? Ou 9 ? Là, il y a le 9 qui est sorti. Un peu plus, je crois. Qu'il y a 10, 11, non ? Je crois qu'il y a eu 75 chapitres plus sortis aux États-Unis. Donc voilà, au même moment, il y a eu la série Dark Vador qui reprend l'histoire qui de Dark Vador qui quitte l'étoile noire, qui revient dans l'Empire un peu blessé, un peu comme un chien abattu, et qui retrouve son pouvoir pour l'épisode 5. On retrouve, c'est là où il y a Afra qui est arrivé. Ouais. Dark Vador a duré beaucoup moins longtemps que Star Wars, et parce qu'il y a eu la série Afra qui a repris. Donc après, il y a eu l'épisode 5. Après l'épisode 5, il va y avoir donc la série Afra qui va revenir, et la série qui va être liée entre l'épisode 5 et l'épisode 6 sur les héros de la rébellion. Donc Luke, Leia et Lando, parce que Solo est tombé dans la carbonite. Mm. Et il y a eu l'épisode 6, et après l'épisode 6, on peut parler donc de Battlefront 2, avec l'histoire de Battlefront 2 qui était bien sympathique à jouer. C'est vrai. Et également, après, donc, la série, la première série live. J'allais dire il y a Résistance, mais oui, il y a Mandalorian chronologiquement. Mandalorian. Qui est en cours de diffusion, qui est juste trop bien. On enregistre le podcast, on a l'épisode 6 de Mandalorian. Ouais. Alors, tout le monde a vu l'épisode 5, enfin, tout le monde a suivi la série, sauf qu'on est tous arrêtés à l'épisode 5, sauf Nebu qui a vu l'épisode 6. Ouais. Voilà. Et la série est juste exceptionnelle. Putain, mais depuis le temps que. C'était le rêve de George Lucas quand même. Ouais. C'était son putain de rêve, c'était de faire une série Star Wars. Disney l'a fait et l'a bien fait. Et l'a bien fait, quand on compare à d'autres films ou machin. Mmh. Bon. Mais là, ouais, la série, c'est juste ouf. J'ai un seul regret. Franchement... Si je pouvais chipoter un truc. Tu nous as permis de chipoter sur Solo. Ouais, mais tu vas voir, c'est de la merde. Si je peux chipoter un peu, c'est que on nous le vend comme un mec surfort. Enfin, vraiment, genre, c'est le meilleur des meilleurs. Il a énormément d'expérience. Et une scène de combat sur deux, il se fait débrouiller. C'est vrai qu'il prend le cher souvent. En fait, de base, quand tu regardes, si tu regardes un peu la mythologie, comment il te montre, on essaie de te le vendre fort dans les. En fait, de base pour le début de la série, mais même avec, par rapport aux autres Mandalorian Watt, tu vois qu'il est rien du tout au final. C'est presque un tout en fait, petit. Tu viens, enfin, quand tu continues la série, tu vois quand même qu'il a un passé, qu'il a déjà fait pas mal de trucs, et qu'il est balèze, et qu'il a une réputation. Ouais, il s'appelle le Mando, tu vois. C'est pas genre Boba Fett ou je sais pas quoi, c'est le Mandalorien, voilà. Tu vois. Donc il a une vraie répute, sachant qu'en plus, ils font croire les Mandaloriens, vu qu'ils ont été purgés par l'Empire, qu'ils sont pas. Enfin, qu'ils sont que un. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a l'espèce de culte un peu caché qu'on voit dans l'histoire. Mais à chaque combat, il prend une caisse. Sauf l'épisode que vous n'avez pas vu, l'épisode 6. Là, par contre, ok. Alors, Mandalorian, on peut passer énormément de temps dessus. Surtout qu'on n'a pas tout vu. Donc, Surtout qu'on n'a pas tout vu, mais c'est vrai que l'épisode où ils s'enfuient de la planète avec l'enfant. Ouais, franchement. Le 3 Oui, 4. ça doit être le 3, où il y a tous les Mandaloriens qui viennent. Il y a tous les Mandaloriens qui arrivent à la rescousse. Ouais, mais cet épisode, c'est quelque chose de. Exceptionnel. Ouais, parce que franchement, il réussit à bien survivre, il est tout seul face à. Et surtout qu'on voit des flashbacks de son enfance, donc à l'époque où il était sûrement sur Mandalore, où on voit des droïdes, quand même, des super droïdes qui massacrent des Mandaloriens. J'ai adoré cette alors, scène. Alors, tu sais qu'il y a une rumeur comme quoi qui serait le mec qui l'aurait sauvé ? Obi-Wan. Ouais. Parce qu'on aurait vu Ewan McGregor sur les tournages. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais. Oh là là. Donc, grosse rumeur. Bref, on verra. Ah ouais. Mais, pardon, vas-y. Je vais sortir un truc complètement con. Dans l'épisode, on voit tous les Mandaloriens et qui s'envolent. Et il y a un Mandalorien, du coup, avec son jetpack, arrive à côté. je trouvais ça con, ça m'a fait marrer, j'ai l'impression de voir Star-Lord en fait. J'ai bien aimé la remarque du putain, il me faudrait un quand même. Ouais, ouais. Mais tu vois, juste après, donc t'as l'épisode 4 où c'est plus tranquille. Oui. Enfin, ça commence plus tranquille. Tu vois, attends, on est parti sur du Stargate, tu vois. Genre, après l'épisode, c'est dans une forêt à la con, ça a été tourné à Vancouver ou je sais pas quoi, tu vois. Tu ressens du Stargate et en fait, non. Tout de suite, tu repars sur du Star Wars. Ben, ouais. Du Star Wars, mais il y a aussi une touche de films de Ronin. De... Oui, moi je regardais quand j'étais petit, tu vois. Par rapport à ça. Tu vois. Et en fait, même cet épisode-là, il passe. Mais c'est pour moi, c'est un des meilleurs parce que bon, on le voit arriver sur une planète. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas vu le 6 encore. Oui, non, mais on le voit trouver donc une ancienne troupe d'élite de la rébellion. Où tu dis, bon, c'est quand même assez relié, ils se connaissent et tout, ça c'est vachement sympathique. Et puis après, tu le vois partir, défendre ce village avec la TST, quoi. Ouais. Et tu vois ça, tu dis, putain, je pensais pas voir un TST dans cette série, quand genre, même. Genre, il est pas une paix et tout. Il est pas une paix. En plus, là, quand c'est dans la nuit, là, avec ses yeux rouges et tout, là. Tu fais mes filles. Et tu sais que moi, quand j'ai vu la réalisatrice de cet épisode, j'étais sur le cul. C'est celle qui va réaliser Obi-Wan. Mais alors, non, enfin, oui, mais c'est. C'est Bryce Dallas Howard, celle qui joue la Rose dans Jurassic World. Qui est la petite fille de Elvis. Voilà, exactement. Ah ouais. et je te jure, ça va. Quand j'ai vu réalisé par, je fais oh, excellent. C'est comme il y a certains épisodes qui sont réalisés par le réalisateur de Thor 3. Oui. Whitey. Ouais. Sérieux. Et c'est lui qui joue le droïde IG. Non. C'est lui qui se prête à moi. Non, franchement, ne serait-ce que le casting de Réal, c'est un régal et la série est un régal. Alors, donc j'attends, j'ai peur hein, quand même. Il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué l'épisode 5 parce qu'il avait été réalisé par Dave Filoni, mais c'est vrai qu'il y avait eu une chute de tension dans l'épisode 5, l'épisode sur Tatooine. Ah, moi j'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré, mais c'est vrai qu'en fait, il y a un personnage qui est excellent et que j'espère qu'on va revoir dedans. Quoi. Donc, l'assassine. Non, elle meurt. T'as vu la fin? Si, j'ai vu la fin. Moi je suis sûr qu'elle est pas morte. Il y a quelqu'un qui la récupère. C'est ça. Il y a quelqu'un qui la récupère. Donc voilà. Déjà l'actrice est géniale. Ah moi j'adore depuis l'urgence. J'étais fan d'elle. Mais bon, bref, je pense qu'on pourrait en parler pareil de Mandalorian des heures. Et j'ai juste peur parce que vu que ça marche, ben justement Kennedy, donc la présidente Lucasfilm, a dit ah ouais on va en faire un film. Oui, ça, là, faut se calmer. Pourquoi, il n'y a pas besoin. Au pire, tu fais une suite, tu restes sur ce truc de série. Enfin, je veux dire, ça a détrôné en termes de piratage Game of Thrones. Ouais. Bah, oui. Je veux dire, Game of Thrones, c'est. Et Stranger Things, parce que apparemment, c'est la série la plus regardée dans le monde, et ça a battu Stranger Things. Exactement. Donc, non, pourquoi faire un film? C'est juste génial. Alors, comme série. Par contre, je veux revenir également sur un dernier élément qui, pour moi, Mandalorian, est l'avenir de Star Wars. Avec une seule personne, l'enfant. Ah bah oui, l'enfant. Ah ouais. C'est une grosse surprise. Ouais. Enfin, moi, je m'y attendais pas déjà. Ouais, bah personne s'y attendait. Favreau, il a dit en interview, il a dit, mais ça a été un casse-tête de faire en sorte que ça ne sorte pas. Ouais, qu'il y ait pas... Que personne le sache. Là, t'es pas un alors qu'on sait par que là, chaque tournage, chaque machin est méga scruté, mais pendant un an de tournage et de développement et de post-prod, arriver à faire que ce truc si énorme ne sorte pas, c'est génial. Favreau avait annoncé 15 jours avant la sortie de la série, dès le premier épisode, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Mais oui. Ah ouais, mais là il y a. Pff, et moi ça, je me suis dit, tout le monde, moi je me suis dit, c'est le retour de Boba Fett, je l'attends, ça arrive dans les romans. Je suis du Boba Fett. Et j'ai vu ça, j'ai fait. Ah c'était la surprise générale et tout le monde a explosé. C'était. Non franchement c'était génial. Il me tarde vraiment la fin. Il y a que 10 épisodes je crois. 8. 8, oh merde, ça veut dire qu'il reste que 2 épisodes. Ah ouais, putain, ça va vite. Et décalage de sortie du prochain épisode qui ne sortira pas vendredi. Ah ouais, à cause de la sortie de Star Wars. Parce que aux US, ça sort le vendredi. Ah ok, d'accord. Alors, nous, ça sort mercredi. On y va mercredi. Ah putain, ouais. Il me tarde trop. Et bon, bref, Mandalorian, on va pas dire voilà, plus parce que je pense qu'on pourra refaire un podcast avec c'est ça là-dessus. Même à la fin de... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la série Résistance. J'ai pas aimé la saison 1, je l'ai pas fini. Moi, j'ai tout regardé. Je sais pas trop quoi dire. En fait, c'est pas nul parce que c'est du Star Wars. mais d'un autre côté. C'est triste à dire quand même. Mais non, mais ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, c'est pas fifou. Et en vrai, ces personnages-là et cette histoire-là ne m'intéressent pas. Ça ne m'intéresse pas, c'est complètement dû à côté. Ce qui est cool, c'est qu'il y a Oscar Isaac qui continue à prêter sa voix. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié de la part de l'acteur. Mais mis à part ça, c'est tout. Franchement, franchement, je vais même pas regarder. La saison 2, pourquoi pas ? A priori, elle amène jusqu'à... Elle suit vraiment les épisodes. C'est-à-dire que la saison 1 se finit au moment où l'épisode... fin de la saison 1, c'est pendant l'épisode 7. Dans la saison 2, ils sont un peu genre perdus dans l'espace. Et ils arrivent, dans les deux premiers épisodes, ils arrivent à l'endroit où il y a eu la bataille du début de l'épisode 8. Je m'en suis arrêté là. Je crois qu'il n'y a que deux épisodes de plus qui sont sortis. Genre, on en est aux 4. Et en gros, chronologiquement, c'est en même temps que le 8 là, pour l'instant. Alors, honnêtement, sur cette période-là, pour moi, j'ai trouvé ça à chier. Par contre, en comics, t'as eu Podamon, la série Podamon qui est sortie, où là, tu signes, tu t'achètes tout de suite. C'est cool, t'achètes tout de suite. Ouais, ok. C'est exceptionnellement bon. Encore une fois, c'est du Charles Soule. Ouais. Donc moi, déjà, quand je vois Charles Soule du sort du Star Wars, ça me donne envie tout de suite. Et, il y a 3 tomes, celui-là, non ? Non, en plus, 6 ou 7. Ah oui. Et le 7... Putain, j'ai plus de sous, moi. Le dernier tome qui est sorti en France s'appelle donc Le Réveil. Ça se passe... après l'épisode 8, avec énormément de flashbacks sur ce qui s'est passé. Ah oui, sur j'ai cru lire 7. Parce qu'a priori, il va y avoir une nouvelle flotte. Alors en vrai, j'ai pas regardé une seule bande-annonce de l'épisode 9. Après, t'as eu un dernier comics qui est sorti officiellement mercredi. J'avais pu l'avoir en avant-première grâce à mon libraire. Qui s'appelait Allégeance et qui t'amène entre l'épisode 7, entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Avec cette histoire de nouvelle flotte. D'accord, mais bon, voilà. L'histoire n'est pas folle. D'accord, très bien. Mais clôture... On n'a pas parlé des romans, mais ça fait partie du nouvel univers canon. Il y a une dizaine de romans qui sont sortis, qui regroupent plusieurs histoires. La plupart à chier. Ils ne sont pas tous ouf, en vrai. La plupart à chier, honnêtement, à part... Si, celui sur Throne, par Timothy Zahn. Ah oui, voilà, Timothy Zahn. Il y a celui entre l'amourette entre Queen Van Voss et Asajj Ventress, qui est très bon, qui est par Christy Golden, donc, Qui est bon, mais je sais que t'es pas fan. Après, pour moi, tout ça, en vrai, hormis l'histoire, c'est quand même de l'écriture très basique. C'est pas ouf, quoi. Mais ça reste sympathique à lire, et quand t'es fan du personnage de Quinlan, et surtout, bon, encore une fois, on va reparler de Legends, mais Quinlan dans Legends, c'était quelqu'un. Oui. Et comment Filoni nous l'a revendu dans Clone Wars, on peut dire que le roman sauve Quinlan. Ouais, ok. Et bon, sauve Ventress, sur pas mal d'aspects. Donc voilà. Bon, maintenant, alors attends, vu qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre de... Enfin, on va parler quand même, du coup, de la nouvelle trilogie. Oui, quand même. Ça va bientôt sortir, parce que c'est pour ça qu'on est là, au final. Alors, et l'épisode 7, on l'a vu 7 fois, Nico. Oui. J'avais ma carte de ciné à l'époque, on y était allé 7 fois quasiment. Ouais, mais moi j'avais bien. Alors, malgré beaucoup de critiques, j'avais bien aimé l'épisode 7. Ouais, moi aussi. C'est un. C'est un film hommage, moi. C'est le film hommage à George Lucas. Ouais. Tourné à l'ancienne version et tout, c'est un film hommage. Il a pas pris de risque, mais c'est un film hommage. Et il est bien fait, il est bien fait, voilà. Tu le regardes, c'est heureux. Putain, yes, quoi, du Star Wars, il y a ce qu'on aime. Bah, ça c'est voilà, 2005 quoi, tu vois. Qu'on n'avait pas eu ça. Et je suis désolé, les personnages, bon, certes, on n'aura pas la grande rencontre des trois, mais revois Anne et Leia, tu dis, c'est juste splendide. Non, franchement, moi, j'ai vraiment kiffé et en fait, on va parler du 8, mais du coup, c'est parce que j'ai kiffé le 7 que le 8 m'a un peu attristé. Vu qu'on est tous d'accord sur le 7, on peut attaquer directement sur le 8. Hein, alors, moi, je fais juste préambule. Quand je suis sorti du cinéma pour l'épisode 8, j'étais fan, en vrai. J'avais aimé le film que j'avais vu. Je l'ai vu qu'une fois au cinéma, je l'ai revu il y a un mois pour la deuxième fois, je l'avais pas revu depuis. Et je le trouve pas nul, mais par contre, il y a beaucoup de choses. En fait, je me dis, c'est dommage. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est dommage. Je crois que c'est ça, c'est dommage, tu vois, parce qu'ils ont. Ils sont loupés sur plein de petits trucs. Je sais pas s'ils sont loupés, en fait. Non, ils ont fait des Donc pour moi, ils ont fait des paris couillus, ils ont essayé de modifier des choses. Attends, et ça marche ou ça marche pas? C'est aussi pire que ça, parce que maintenant que l'épisode 9 sort, chez Lucasfilm, la parole commence à se débrider. T'as Abrams qui commence à vraiment parler de l'épisode 8, au début, au tout début, il y a 6 mois, il disait oui, bon, j'aurais pas tourné comme ça. Et au final, sur la dernière interview qu'il a fait, il a dit que l'épisode 8, il n'avait pas aimé parce que, en fait, c'était Gareth Edwards qui avait fait c'est Rian Johnson qui a fait l'épisode 8, autant pour moi. Rian Johnson a dit, c'est pas fou, c'est pas grave, trilogie, pas trilogie. Voilà. Moi, je peux tout détruire comme ça si j'en ai envie. En fait, c'est un bon film Star Wars, en vrai, faut pas se mentir. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y avait tellement de trucs qui avaient été mis en place sur le 7 et on se dit, putain, ça va être ouf. Et tout est démoli dans le 8, que ça fait mal. Le truc évident, c'est Snoke, tu vois, par exemple. On nous le vend comme un grand méchant dans le 7, et bim, dans le 8, il meurt comme de la merde. Il y a plein de trucs dommages comme ça, tu vois. Après, c'est vrai que moi, par contre, les scènes avec Snoke sont quand même super bien. Ou par exemple, Snoke qui dit à Kylo Ren, retire-moi ce masque ridicule. Ah oui, non. Mais ça, par contre, tu vois, c'est quelque chose que quand j'ai applaudi. En vrai, c'est pour ça que je te dis, c'est un très bon film Star Wars, parce qu'en termes d'écriture et tout ça, il est excellent. Mais du coup, en termes de continuité, je trouve que du coup, il fait un gros doigt d'honneur à tout le monde. Ah oui, mais il a brisé. Le truc avec lui, ça a brisé aussi toutes les attentes. C'est pas ça. Alors, je trouve ça aussi dommage. Mais c'est pas ça qui m'a gêné. Le fait qu'il balance le sabre de son père, c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais fait avec un autre réalisateur. C'est ça. Et puis même, au-delà de ça, sur le personnage en lui-même, je trouve que autant le fait qu'il soit ermite sur une planète lointaine, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a pas mal de Jedi qui l'ont fait et c'est un peu le truc du Jedi. C'est-à-dire que dans l'univers légende, puisqu'on en parlait au début, quelques années après l'épisode 6, Luke Skywalker, il va rencontrer celle qui deviendra sa femme, ils vont avoir des enfants, machin, tout ça. Là, le fait qu'il garde le fait qu'il soit célibataire, la voix des Jedi et tout ça, ça correspond puisqu'il était vraiment dans l'enseignement Jedi de Obi-Wan et de Yoda. Donc et là-dessus, ça me gêne pas. Les seuls maîtres qu'il a eu, c'était des ermites. Voilà. Mais fait que il flippe que Ben Solo devienne un nouveau Dark Vador et que pendant un quart de seconde, il veut le tuer, ça non. Pour moi, c'est pas Luke Skywalker. Moi, après, c'est quelque chose qui me gêne pas, parce que moi, dans Legends, on va en parler encore une fois de Legends, c'est fou, hein. On revient toujours à ça. Mais dans Legends, il est tombé dans le côté obscur, il est revenu du côté obscur. Il a eu un neveu qui est tombé dans le côté obscur, Jacen. Et en fait, il ne voulait pas réaliser qu'il tombait dans le côté obscur. Il le voyait, il le voyait sur la pente descendante, mais il n'a pas réagi. Et il y avait eu, d'ailleurs, dans le bouquin, c'était Karen Trevis qui l'avait écrit à l'époque, où il y avait Marajad qui discutait avec Jacen, et où Marajad disait « Tu es pire que lui ». Et Jacen qui répondait, enfin, Darkadius qui répondait « Vador », et répondant « L'Empereur ». C'était une des scènes que j'avais adorées dans le roman. Mais je pense que le voir hésiter de tuer pour éviter d'avoir un nouveau Vador, c'est quelque chose que c'est osé et c'est quelque chose qu'à mon avis il aurait pu faire parce qu'il a connu le côté obscur, il sait tout ça, il connaît l'avènement de l'Empire, il sait le pouvoir du côté obscur et je pense que ça sera mieux expliqué dans le comics Kylo Ren, mais c'est ça le 8, c'est pour ça aussi que je dis que c'est dommage, c'est qu'effectivement il y a plein de trucs qui en fait on attendait des réponses ou on attendait des transitions et en fait on a des stops sans explication et soit au mieux on les aura dans des médias transversaux, c'est-à-dire des comics, des romans ou peut-être des animés. Série, mais on les a pas là, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça pas cool, quoi, tu vois. Après, c'est quelque chose qu'on a toujours eu dans Star Wars. Je suis désolé. Je suis pas d'accord. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont pas expliquées dans Star Wars. Ouais, qui sont pas expliquées, mais c'est pas parce que t'as une continuité. C'est pas parce que tu as pas cherché la petite info que t'as pas dit dans le film et que tu l'auras après. Là, c'est quand même gros sujets, tu vois. Sur l'épisode 4, 5, 6, je veux bien croire parce que nous, on est de la génération où Star Wars était déjà bien installé et il y avait un gros univers étendu. Donc quand on n'avait pas des réponses dans les films, on savait qu'elles étaient ailleurs. Mais sur l'épisode 1, 2, 3, t'as une vraie continuité. Oui. T'as une vraie continuité. Ouais. Là, le 8, je veux dire, On te sort l'amiral aux cheveux violets, là. On te dit, c'est une héroïne de la résistance, de machin. Ouais, ok, mais elle sort d'où ? Elle a toute autorité, c'est genre... C'est ça. Elle a autant d'autorité que Leia, mais on te l'a jamais montré. Et que okay. tu n'as même pas entendu parler dans les romans ou dans les comics. Parce que j'ai jamais entendu parler dans le 7. Au-delà de ça, je veux dire, tout ce que les héros entreprennent, fail, ne fonctionne pas. Ça, j'ai et donc, en gros, tu as la moitié du film, ou les trois quarts du film, c'est rien. En fait, tout ce qu'ils font, c'est pour rien. T'as un perso qui est excellent, c'est celui de Benicio del Toro. C'est un perso que moi je trouve génial, qui pour le coup est bien écrit. Mais du coup, retournement de veste, on l'a même pas vu, on sait même pas pourquoi. Et ah, salut les gars, c'est pour l'argent. Et il s'en va et ça nique tout. Bon, ok. Après, j'ai un autre problème. C'est, pour moi, Rey est pas bien écrit. C'est pas un personnage bien écrit. Elle est trop forte, trop vite, sans explication. Alors apparemment là, y aurait les explications de pourquoi elle est si forte dans le 9. Alors moi, on nous le speech comme ça. Enfin moi, dans les infos que j'ai lues. Non mais qu'elle soit forte dans la force. Tu vois. Ok, je veux dire Anakin l'était aussi, tu vois. Luke l'était aussi. Je veux dire Luke, la première fois qu'il pilote, il va détruire l'étoile noire. Il entend un fantôme qui lui dit use la force. Enfin use the force. Il enlève son viseur et il détruit l'étoile de la mort. Ok, il y a pas de souci. Mais elle est genre une génie de la mécanique, tu vois. Pour nous, quand l'épisode 7 commence, elle est juste ferrailleuse. Elle est pas mécanicienne, tu vois. Et on nous montre jamais, en fait. Elle le dit, ça, dans l'épisode 7, au moment qu'elle avait aidé un peu à bricoler le faucon, qu'on était arrivé rapidement. Après, c'est une ferrailleuse. Elle sait quoi. Elle connaît le système mécanique. Bon, voilà, je trouve qu'elle est trop sûre d'elle. C'est genre une Peggy Sue, tu vois. Tout ce qu'elle fait, ça va marcher. Je sais pas. Donc, c'est pas l'élu, tu vois. C'est pas elle, l'élu. merde, qu'elle fait un peu, quoi, tu vois. Après, bon, j'ai lu énormément, je me suis spoilé, mais je me suis. Ah, bah alors, ne spoil pas alors. Non, je spoil pas. Moi, je me suis vraiment roulé dans les spoils. Mais, pour Rey, je pense que ça va être expliqué dans le film et on en rediscutera après la séance. D'accord, ok. Ouais. Au moment où on m'a vraiment. Moi, je sais que avec mon frangin, sur notre chaîne Les Arbres, on va faire un gros débriefing de justement la trilogie. Ah, donc, si. Je pense qu'on sera amené à en reparler. Ouais, si tu veux m'inviter pour qu'on en parle. Carrément. Franchement, je vais en discuter avec Joe. On va voir ça. Mais voilà, toujours est-il que le 8 est un bon Star Wars. Faut pas se leurrer parce qu'il y a des images qui sont somptueuses. Et la bataille de Crait, la dernière bataille. Ah oui, non, mais ouais. Magnifique. Même, c'est génial. Mais c'est dommage. Il y a beaucoup trop de trucs dommages. C'est juste ça, en fait. Donc j'attends beaucoup du 9 sans en attendre, c'est un peu paradoxal. Le problème du ouais, moi c'est le, complètement ça, le problème du 9, il y a un énorme problème, c'est que vu que on attend beaucoup de réponses, le 8 a chié sur le 7 et sur une possible continuité parce qu'il y avait possibilité de faire énormément sur le 8, voir des scènes qu'on aurait vraiment voulu voir réellement, la vraie rencontre de Leia et de Luke qu'on n'aura jamais eu, encore une fois, dans la vie, tout ça, il a tellement chié sur la continuité que J.J. Abrams va avoir énormément de travail à faire. C'est un bon, moi j'aime bien J.J. Abrams, on l'aime, on l'aime pas, mais bon, moi, j'aime beaucoup. Tu le prends dans la série Lost au tout début, la série était cohérente, était super bien, avant qu'il lâche un peu plus la série pour ce qu'il avait d'autres productions. Il a dit une interview il y a pas longtemps là, il a dit que lui, il sait écrire des débuts d'histoire, mais il sait pas écrire des fins, et que justement c'est le gros challenge sur épisode 9 parce qu'il fallait qu'il finisse. Et qu'il avait jamais fini un truc de sa vie. J'ai trouvé ça très cool. Super 8 était bien, oui. Était sorti au cinéma. Star Trek de 2009. Bon, t'imagines ça aussi, on en parle deux secondes. Je comptais en reparler de Star Trek plus tard. Mais, Non, mais je veux dire, on en parle deux secondes. Et quand quand les épisodes 1, 2, 3 sont sortis, qu'on était à fond dans Star Wars et qu'on t'aurait dit, écoute, mec, dans 15 ans, le réalisateur de Star Trek, il sera aussi réalisateur de Star Wars. C'était ouf. Et en plus, Star Wars, c'est du Disney. Hein, quoi? Bon, arrête de Les Simpsons avaient prévu ça. Putain, mais les Simpsons, ils sont vraiment trop forts. Je crois qu'ils avaient même prévu de se faire racheter par Disney. Je crois dans un épisode, ça s'était vu. Non, mais franchement, il y a une boule de cristal, quoi. Donc, ouais, non, donc J.J. Abrams, il a du taf, là. Mais après, moi, J.J. Abrams, ça fait des choses extraordinaires. Et je pense que malgré tout son talent, s'il réussit à faire un film, s'il a réussi Star Wars, ça va être. Il pourra signer n'importe où derrière, mais s'il n'y arrive pas, je pense que c'est peut-être, je dis pas la fin de J.J. Abrams, mais je pense qu'on le verra beaucoup moins en tant que réalisateur. À voir, en vrai, à voir. J'attends vraiment, je t'avouerai que ça va conclure la trilogie, mais finalement... Non, ça clôture la saga Skywalker. D'après ouais, tout ce que le monde ça, dit. C'est ce que Lucasfilm me dit. Hein. Fini après la saga des Skywalker. Ouais, mais c'est con, enfin, tu vois, c'est... Il y a plein de trucs. Quoi, d'après les leaks que j'ai vus, bon, bref, on en discutera mercredi soir. Mais, ouais, à voir. On verra le film, comme toi, Adrien. On attend, mais... Autant peur d'être déçu que d'être satisfait. C'est exactement ça. Franchement, j'ai trop hâte de le voir, mais j'ai trop peur de le voir. Alors, après, moi, ce qui me fait peur, c'est que Adrien est quand même très bon public. Ah, je suis ultra méga bon public. Non, mais quand je te dis que... Ils ont aimé Solo. Voilà, c'est ça, la solution. J'ai pas adoré. Mais bon, je l'ai vu qu'une fois, quoi. C'est comme le 8, je l'ai vu qu'une fois, tu vois. Putain, je le verrai revois pas. Revois-le le 8 dès que tu peux, là, avant le 9. Ouais, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis refait les deux là il y a deux semaines. Et moi, il me reste plus que le 8. T'as un autre regard, effectivement, quand tu vois la deuxième fois. Quoi. Ouais, moi, je suis personne de mon équipe, je mettrai ça tranquillement sur le bureau. Bravo. Bon, ben voilà, c'est comme ça qu'on clôture cette heure de discussion sur Star Wars. Ouais, 1h10 quand même. Puis... Ah, ouais. Sachant qu'il y a les conseils d'achat qu'on fait tout de suite. Voilà, c'est ça. Merci pour la transition, Nico. Et nous voici sur cette dernière partie. Après 1h30 d'émission, on va enfin parler des conseils d'achat pour Noël. On sort cette vidéo, c'est parfait pour les retardataires ou pour ceux qui ne savent pas faire, n'ont pas d'idée pour des cadeaux un peu geek, on va dire. Bon, forcément, nous, on est Occitanie Comics, on va parler de comics, maintenant de manga et peut-être aussi d'autres dérivés à droite, à gauche. Avant de commencer à parler vraiment conseils d'achat, déjà, on va parler de quelque chose de bien qui serait, si vous nous écoutez, essayez de faire quand même vos achats chez nos petits commerçants à droite à gauche. Il y a pas mal de librairies indépendantes qui sont en difficulté actuellement à cause des grèves et tout ça. Donc pensez aux petites librairies indépendantes si vous pouvez, au lieu de penser à Amazon et le reste. Après, il y a d'autres également librairies sur Internet type Excalibur. Ou Attilan Comics qui vendent des BD et des mangas autres que sur les gros distributeurs type Amazon, Fnac et compagnie. C'est Noël, c'est le moment de faire votre petite BA, donc n'hésitez pas à penser à nos petits libraires. Sur ce, on va peut-être pouvoir commencer les conseils d'achat de Noël. Adri ? Ouais, ben moi, du coup, j'ai deux conseils d'achat, deux mangas à vous conseiller. Un qui est connu, mais qui est quand même très très bien, qui est Promesse Neverland. C'est le bon moment de l'offrir parce qu'ils ont sorti deux coffrets à 20€ chacun. Donc en gros, tu as deux coffrets, tu as les 6 premiers tomes en deux coffrets. Et pour 20€ le coffret, franchement, c'est assez rentable et puis c'est un super manga. Et il y a 10 tomes au total, il me semble. Il y en a 11 pour le moment. 11 qui sont sortis. Donc voilà, franchement, c'est un bon manga qui est vraiment très très bien. Et ensuite, le deuxième manga qui, donc tout n'est pas encore sorti, ils en sont à 4 tomes, c'est Yurmangang, qui est un seinen, donc pour le moment, il y a 4 tomes de sortie, mais c'est une série courte en 11 tomes, donc c'est pour ça que c'est pas mal pour Noël, pour commencer une série. Donc voilà mes conseils d'achat. Donc pour ceux qui connaissent pas Yurmangang, en fait c'est dans les temps modernes. Donc tu suis un jeune enfant qui est un enfant de l'armée, en fait, qui est un enfant militaire qui déteste les armes et les vendeurs d'armes, mais qui va être par force des choses obligé de suivre en fait une vendeuse d'armes professionnelle. Donc voilà. Bon, pour c'est... moi, les deux mangas, c'est pas mal, c'est pas mal. Nébu ? Alors moi, j'ai des petits conseils lecture. Je vais continuer sur la suite d'Adrien en vous conseillant un manga. C'est Made in Abyss, ça s'appelle. Vous trouvez ça chez... comment il s'appelle cet éditeur déjà ? Je sais jamais. C'est Oyo, non ? C'est pas un truc comme ça ? C'est Oyo. Oyoyo. C'est un nouvel éditeur. C'est Mehdi Labis. Il y a 7 tomes parus actuellement. C'est une petite série vraiment magnifique en termes de dessin. Ça se veut un petit peu l'héritage Ghibli. C'est assez enfantin dans la présentation des personnages et puis l'histoire tourne autour d'une équipe d'enfants, enfin autour d'enfants. Mais c'est très très dur. Ouais, c'est trash. C'est du seinen. C'est trash, mais enfin après c'est comme un roman d'exploration en vrai, puisqu'ils partent à l'exploration et ils découvrent des personnages, ils vont explorer ces abysses Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous le verrez vous-même. Mais c'est vraiment un truc d'aventure et d'exploration, et c'est vraiment génial et super beau. L'animé a une bande-son géniale, donc si vous pouvez vous caler sur YouTube en même temps que vous lisez la bande originale, c'est un gros gros plus. Après, on va passer niveau comics. Je vais vous conseiller deux comics, une collection et un one-shot. Une fois n'est pas coutume, le one-shot, ça sera du Batman. Le Batman White Knight. Si vous n'avez pas de Batman dans votre bibliothèque, je peux comprendre, moi je n'en ai pas, mais s'il en faut un, c'est Batman White Knight, parce que c'est juste génial. Vous foncez, c'est vraiment une histoire alternative avec le Joker qui essaye de se repentir, je me souviens plus trop le début parce que ça fait longtemps que je l'ai lu quand même. En gros, le début c'est le Batman en fait qui enferme le Joker, sauf que le Joker en fait il va prendre en gros entre guillemets des médicaments, il va faire une vraie thérapie sur lui-même et sur ce qu'il a fait, et il va se repentir et il va dire ok, j'ai fait des erreurs, et en même temps il y a la population qui se rebelle un petit peu contre Batman, c'est le Joker qui fait passer le Batman pour un méchant parce qu'il fait des dégâts, mais voilà, vu les conneries qu'il fait sur la thérapie, il se dit en fait j'étais aussi méchant et je suis allé à un tel extrême à cause de Batman, parce que c'est lui qui m'a poussé dans sa folie. Mais voilà, donc sans trop avancer dans l'histoire, les dessins sont ouf, l'histoire elle est géniale, il y a tous les persos qu'on connaît de l'univers de Batman, ils sont tous super bien traités. Il y a un nouveau personnage, moi je tombais amoureux, vous le verrez, c'est le Neo Joker. J'ai vraiment surkiffé ce personnage. A priori, il y a peut-être une suite, il y a une suite. Et il y a même une troisième série qui va clôturer la trilogie. Mais ce n'est pas sorti encore. Il n'est pas sorti en écriture. Et donc, vous pouvez le considérer comme un one-shot. Pour Noël, c'est un super cadeau et ce sera une ouverture pour Noël de l'année prochaine. Alors, éventuellement, je peux te couper des minutes vite fait dans le Batman également. Un one-shot qui est pas mal à lire, mais vraiment, par contre, quand période de Noël, c'est le Batman Noël qui est à lire qu'à cette période-là, qui est juste génial. La version Scrooge, mais Batman, c'est ça. Ouais. Et qui est juste génial. Voilà, c'était mon petit aparté, mais vraiment à lire que pour Noël, hein, sinon après, ça chie. Hein. mais ça y a pas. Buvez-le avec les chants de Noël et une petite tasse de chocolat avec une guimauve. Oui, parce qu'en fait, c'est dans l'esprit de Noël. Scrooge, c'est Noël. Tu regardes pas le conte de Scrooge en été quand tu crèves de chaud. Non, je regarde n'importe quand, c'est la beauté du truc en soi, quoi. Oui, mais bon, quand même. Excuse-moi, Star Wars, tu regardes pas quand t'es à l'air libre, dans le vide de l'espace et tranquille dans ton vaisseau. Non. Ah, j'aimerais bien. Ouais, moi, j'aimerais bien aussi. Franchement. Et tu meilleur, l'espace, l'ultime frontière. Voilà. Oh, putain. Ça, c'est Star Trek. Donc, notre conseil. On va pas encore partir. Mon dernier conseil d'achat, et pas des moindres, c'est une collection. Le quatrième tome est sorti il y a pas longtemps. C'est Monstress. C'est fait par Marjorie Liu et en France c'est édité chez Delcourt. Je sais pas par où commencer pour vous décrire cette série. Déjà, ne serait-ce que graphiquement, c'est une claque. C'est absolument sublime. Chaque page, c'est le premier. Moi, je lis beaucoup de BD, beaucoup de mangas, beaucoup de comics. C'est un des premiers en plus de 30 ans où vraiment je m'arrête à chaque bulle, enfin à chaque case, pour regarder les dessins. Où j'étais avec mon téléphone en train de photographier les cases, tellement je trouvais ça magnifique. Après, en termes de scénario, c'est assez dark. Ça se passe dans un univers fantasy où humains et animaux humanoïdes cohabitent, mais pas forcément en paix. L'histoire commence après une grande guerre et il y a vraiment des gros clivages dans la population. C'est vachement sur l'immigration, le traitement des réfugiés et tout ça. mais c'est traité d'une manière absolument ouf. C'est génial. On se prend tout de suite à l'univers. Il est vraiment très, très fouillé, l'univers. On sent dès le premier chapitre qu'il y a un univers qui est absolument énorme. Donc, un vrai coup de cœur. Monstress, allez-y. C'est vraiment un magnifique, une magnifique série que je vous conseille. Ben Nico, vas-y, à ton tour. Alors, vu que moi, en ce moment, j'ai un problème, parce que je lis un manga qui n'est plus édité, qui est Samurai d'Hyper Kyo, je peux pas vous le conseiller, mais juste avant, parce que Panini sort quasiment rien ce mois de décembre, ils ont tout sorti le mois d'avant, donc côté comics, je peux pas conseiller grand-chose à part des choses qui sont déjà sorties, mais côté manga, un manga que j'ai lu il y a pas longtemps, qui est juste en 6 tomes, donc c'est assez court, c'est King of Eden, un manga qui est très prenant, donc déjà, alors moi je connais pas, je connais pas trop la classification Shoujo, Seinen et compagnie, donc je pourrais pas vous dire, mais c'est un peu type horreur, donc ça serait quoi comme style de... C'est un peu quoi ? Type horreur. Horreur, ouais, Seinen, enfin c'est... Il y a du sang, beaucoup de sang. Ah ben c'est du Seinen. Non mais c'est du Seinen, voilà, qu'on apprend avec vous aujourd'hui. Et donc c'est très intéressant parce que ça part un peu sur un effet de zombies. Sauf qu'on nous parle tout le temps de loups, ça part sur les premiers tomes, on nous parle par exemple de Caïn et de comment il a tué Abel, donc ça part sur de la religion. Mais en même temps, on voit qu'il y a de la mythologie, beaucoup de recherches en histoire, vu qu'on suit une équipe un peu d'archéologues et tout ça. Donc ça part sur beaucoup de mythes à la fois, sur le mystère de les zombies, par qui ils sont dirigés, comment ça se passe. Donc en plus, il y a même de la science, de la médecine, pour essayer de trouver un remède à cette maladie, parce que finalement, on se rend compte que c'est une maladie, il y a pas mal de choses. Ça tourne sur beaucoup, plus on avance en fait, plus on part de la mythologie, il y a de l'histoire, justement de la médecine, après il y a beaucoup de politique parce que c'est un truc qui devient international. C'est vraiment prenant, c'est en 6 tomes, du coup voilà, 6 tomes. Comment ça s'appelle, Rodi ? King of Eden. Okay. Et donc du coup, 6 tomes, ça coûte quoi ? Ça fait un peu moins de 40€, ça te fait l'intégralité pour un cadeau de Noël, ce qui est pas mal. Après, j'ai vu, Jeff a beaucoup de mangas à conseiller, mais... J'ai pas encore lu les mangas, mais je regarde les animés. S'il y en a un que j'aime bien en ce moment, par exemple, c'est il y a soit Fire Force qui est vraiment bien, soit aussi Dr. Stone qui est vraiment pas mal aussi. Donc ça peut être des bons conseils d'achat aussi. Surtout qu'en plus, je crois que sur Fire Force, il y a des coffrets qui existent. Ouais, il me semble. Un coffret de 5 tomes avec un mug exclusif. Ouais, alors ça, c'était, je pense, je sais pas si c'était pas une version limitée, mais en tout cas, il y a des coffrets en plus sur ces périodes de Noël où. Tu peux facilement trouver les Fire Force sur les trois ou quatre premiers tomes assez facilement. Alors, je vais commencer du coup mon conseil d'achat. Ouais, parce que Jeff, il a une chier de cadeaux. En fait, c'est ta liste à toi. Jeff, il a fait Tout ça, j'ai à la maison. Alors, on n'a pas demandé non plus de tous les bouquins que tu as chez toi. En effet, alors, j'ai eu un énorme problème, c'est que cette année, j'ai lu énormément de mangas qui m'ont approché. J'ai contaminé les deux là, qui lisaient que des comics là. Et j'ai des mangas qui m'ont beaucoup plus marqué cette année que les comics, mais j'ai réussi à trouver quand même certains comics qui vaut le coup d'œil. Alors je vais pas tout dire parce que sinon on va en avoir pendant 40 ans, hein, et on va éviter de refaire on va éviter d'arriver à 2 heures de vidéo. Mais sur ce que j'ai noté au niveau des comics, il y a la série ElfQuest qui a sorti un run intégral sur les Seigneurs de la Roue Brisée que j'ai trouvé juste magnifique. J'avais participé à la campagne Ulule, donc c'est vrai que j'avais eu le comics en format un peu augmenté. C'est un comics qui est exclusivement en noir et blanc. La dessinatrice Wendy Penny a un dessin intemporel. Honnêtement, elle a sorti ça il y a quasiment 30-40 ans. C'est quasiment, on pourrait dire que c'est de l'actuel. C'est juste magnifique. Cet arc est en noir et blanc. Donc, en même temps, pour les passionnés de manga qui veulent essayer autre chose, comme du comics, ça le fait très bien. ElfQuest, c'est quand même le premier comics indépendant qui est sorti après l'âge de bronze ou d'argent des super-héros. Ils ont tenté la chose en auto-publication et ça a fonctionné. Personne n'avait cru en eux. Marvel, DC, personne n'en voulait. Personne ne voulait les éditer. Et ils ont tenté le coup et ça a fonctionné. Ça a tellement fonctionné que le premier tome qu'ils avaient sorti, une quantité extraordinaire pour ce que c'était, s'était vendu de manière parfaite et ElfQuest continue d'être publié actuellement aux États-Unis chez Dark Horse. Bon là c'est vraiment les vieilles versions et c'est quelque chose qui est très bien. C'est trouvable chez l'éditeur Snorbleu, qui est un petit éditeur de comics toulousain. Donc, non, pas Toulousain, Marseillais. Oh putain, merci. C'est bon. Oh, putain, je commence à. Non, l'habitude que tu sois sur Toulouse, mais non, Marseille fait des choses bien, comme c'est anglais. Et voilà. Alors, il me semble pas que ce soit le comic qui a la traduction de celui-là. Mais voilà, savoir que si vous achetez des comics norvégois, la traduction c'est souvent le comics qui est dessus. En comics également, je peux vous conseiller le spin-off, le vrai spin-off de Sustan qui s'appelle Mercy, que j'ai adoré. C'est honnêtement, ça a été j'ai cru replonger dans l'univers d'origine de Sustan. C'est beaucoup mieux écrit que Swing, c'est beaucoup mieux dessiné que Swing, et voilà. Sustan, ça a été publié chez Panini, donc il y a eu 5 ou 6 tomes de la série principale, et Mercy qui est le premier vrai spin-off, qui est un tome unique. Après, bon, je vais parler un peu de manga. Parce que voilà, c'est vraiment là où ça m'a le plus marqué cette année. Et je vais vous conseiller les chefs-d'œuvre de Lovecraft avec les Montagnes hallucinées qui sont en deux tomes, trouvables donc dans un coffret qui est un coffret. Ça, et, pour le coup, c'est un beau cadeau. Et ça, quand ils ont fait un coffret sur les deux tomes. Ils ont fait un coffret. Et on prend le tome. C'est publié chez Caillou en France, mais le tome est en simili-cuir. C'est vraiment la meilleure, un beau livre. C'est trop beau pour être du manga, quoi. C'est pas, non, mais rien n'est trop beau. Frapper, mais tu vois ce que je veux dire. Non, c'est sûr, c'est pas le format tome avec. C'est pas le format Kana ou autre, voilà. Basique. C'est vraiment du vrai beau tome. Et c'est Gutanabe qui a réécrit Les Montagnes hallucinées. Les graphismes, c'est pareil que pour Nebu. De temps en temps, je me suis arrêté, j'ai pris des photos en me disant, oh, c'est fou! Le mec, il dessine trop bien. Et franchement, les Montagnes hallucinées en deux tomes, c'est extraordinaire. Il continue à écrire des œuvres de Lovecraft. Il y en a un troisième qui est sorti. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne me souviens plus basé sur quoi, sur qu'est-ce que c'était. Et il y a un quatrième tome qui va sortir en mars prochain également. Et après, sur toute ma liste, j'ai Love X Dilemma que j'ai adoré, qui est sorti en animé en 12 épisodes, qui s'appelait Domestic Girlfriend, trouvable sur ADN. Mais je pense que je vais plus parler de Food Wars, qui est un vrai shonen qui m'a aidé à me remettre un peu dans le manga et que j'ai acheté, mais j'ai tout acheté. J'ai mis 2 mois pour tout acheter, les 30 tomes de retard que j'avais. franchement, c'est un manga que j'adore. J'adore la cuisine, j'adore les shonen, j'adore les concours à la con. Et ben voilà, Food Wars, c'est totalement ça et c'est quelque chose que j'adore. Et à savoir que dans entre les chapitres, vous avez également des recettes à refaire chez vous avec les difficultés, avec tout ça. Donc honnêtement, il y a 32 tomes, certes, mais c'est une série qui s'est terminée au Japon dernièrement. Et on devrait arriver en France au grand maximum à 35 tomes. Donc, c'est quelque chose que je peux conseiller. Et c'est publié chez Delcourt, enfin chez Tonkam, exactement. Donc voilà, je vais éviter de parler du reste. Sinon, on a encore pendant 150 ans. On a une bonne liste quand même. On a une bonne liste. On va parler un peu cross-média également, parce que ça vient de me faire tilt pour Noël. N'hésitez pas à offrir, par exemple, si vous savez que vous avez un petit enfant ou un neveu passionné d'anime ou autre. Pourquoi pas acheter un abonnement ADN ou Crunchyroll sur une année. C'est un beau cadeau, ça servira toujours. Et c'est comme Netflix, ça peut être des comptes partagés ou autre. Donc voilà, ça peut être pas mal également. Et on reste entre guillemets dans la légalité au lieu de télécharger. Et puis sinon, même passé 30 ans, une bonne boîte de Lego, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est sûr, les Lego, même les jeux vidéo, côté comics, on a eu le droit. C'est pas le même budget. Quoi. C'est pas le même budget, mais. Un comics, tu t'en tires à 20 balles, un jeu vidéo, ça monte très vite les. Ouais, les mais 60, on peut parler de Marvel Alliance 3 qui est sorti dernièrement. Oui, d'accord, après, si tu pars dans les trucs qui font 2800 pages, ou qui sont des super beaux livres. Non, Marvel Alliance, le jeu vidéo sur Switch. Ah oui, le jeu vidéo, d'accord. Il est sorti. Des anthologies. Non, Marvel Alliance, le jeu vidéo exclusif Switch qui est sorti. Il y a eu également. Jedi Fallen Order, qu'on a parlé largement là-dessus, qui vaut le coup, encore une fois. Nebul, j'ai réussi à convaincre Nebul de l'acheter alors qu'il était sur Pokémon Bouclier. Et il a fini avant toi, d'ailleurs. Et il a fini avant moi. Donc, j'ai eu platiné, là. Oh putain, t'as du courage. donc voilà, il y a vraiment aussi pas mal d'autres choses à acheter. Et sur ce, ben voilà, on va terminer donc notre dernière émission de l'année. Eh oui. Passez de bonnes fêtes surtout. Ouais, voilà, c'est ça. Passez de bonnes fêtes en famille ou entre amis. Hein, c'est important de savoir se retrouver. Bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année. Et ben nous, on va revenir en janvier avec deux épisodes qui sortiront en janvier, avec des invités pour ces deux épisodes. Et on va voir pour continuer la suite, comme ça en février. Mars, avril, etc., etc. Et on va essayer d'osciller entre un ou deux épisodes par mois. On va essayer. Donc, voilà. Oh, la motivation des types. La motivation de Nico. Ouais. Donc là-dessus, on a aussi d'autres idées, mais j'en parlerai plus tard dans les réseaux sociaux. Et sur ce, je vais vous souhaiter donc une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. C'est ça. Bonnes fêtes et bon Noël à tous. Je veux dire Jésus, donc que le Papa Noël soit. Alors, on est tellement habitué à la crèche. Alors, voilà comment on fait pour les pratiquants d'autres religions. C'est quoi la conclusion maintenant, là, du coup là. Bah, juste des bonnes fêtes. Je quitte l'émission. C'est pas moi qui crée les polémiques, je le dis quand même. Hein. Juste de bonnes fêtes de fin d'année. Des bons cadeaux. Voilà. Soyez ensemble, entre amis et en famille. Et faites-vous plaisir. Sur le long chemin. Tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'elle chantait.